C'est pas trop loin, non? Ça va, là, de là? Je vais l'installer d'abord, oui. Tu vas mettre... J'ai oublié les cahiers avec les présences, donc on va faire simplement une feuille. Est-ce que quelqu'un a une feuille blanche? Oui. Donc ensuite, donc, l'école est donc devenue un peu plus généreuse et donc m'a permis de faire quelques photocopies. Donc je fais donc 4 pages donc avec... une espèce de calendrier approximatif de séances et avec une bibliographie relative à chaque séance. Donc, après, donc, si on réussit à respecter ce calendrier, c'est évidemment encore une autre question. Déjà, par exemple, aujourd'hui, la séance sera consacrée à peu près à ce que je croyais pouvoir faire dans la deuxième partie de la séance précédente. Donc il est tout à fait possible qu'au moins les dernières séances peut-être n'auront pas lieu, pour mieux dire, ne seront pas consacrées au sujet indiqué. Mais j'espère qu'au moins les séances centrales, donc on pourra les effectuer ici. Donc dans la... vous pouvez y donner un coup d'œil maintenant, s'il y a quelques questions sur le contenu et sur les bibliographies. Mais il y a évidemment... quand c'était possible, je indiquais le texte en français, mais il y a aussi pas mal de textes, surtout des articles en allemand, donc qui ne sont pas traduits. En même temps, j'espère, si on veut, de vous rendre service donc en vous résumant aussi à des textes qui peut-être seront difficiles d'accès autrement. Une curiosité, bah, qui est étudiant à l'école ici? Seul. C'est vrai, donc c'est là. Ah, ici, non, pas vraiment. Même pas. Alors, c'est juste une étudiante. Oui, donc ça veut donc dire si on n'avait pas les externes ici, donc on devrait faire cours devant le mur vide. Hein. De toute manière, on peut peut-être dire donc, que ces cours n'est pas beaucoup dans la ligne de ce qui intéresse évidemment les étudiants de l'école. Mais... Non, c'est moi, je n'ai pas vu le cours sur le site. Oui, c'est le site, oui. Donc, oui, mais il est aussi sur le livre imprimé, oui. C'est vraiment chaud. Oui, en fait, les étudiants qui les suivent peuvent acquérir 6 crédits. Mais oui, le cours n'est pas inséré dans aucun parcours, comme ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune formation, ni sociologie, ni d'autres, qui recommande explicitement aux étudiants de suivre ces cours. Mais de toute manière, ce n'est pas très important. Hein. Donc... Donc j'espère donc qu'un peu donc finalement rentrer un peu dans de terrain nouveau. Donc l'année dernière j'ai quand même largement résumé aussi ce que j'avais écrit dans les aventures de la marchandise et on s'était vraiment référé beaucoup à Marx. Donc cette année donc je vais donc rentrer dans des terrains qui sont aussi peut-être un peu plus de la nouveauté pour aujourd'hui que et pour moi aussi, comme j'avais dit, donc j'espère aussi du coup qu'il y a donc aussi une participation plus forte de votre part. Hein. Pour la même raison. Oui. Il doit y avoir des chaises dans les autres... salle. Oui, il y a même une espèce, je crois, de petit train avec une chaise qui donne le couloir, ouais. Donc, qui sert à ça. Ah, oui. Ouais. Donc je voulais donc consacrer donc cette séance donc au concept et à l'histoire de ce qu'on peut appeler la forme sujet. Donc ça veut dire donc pas à une forme particulière du sujet, mais justement à ce que de certaine manière est commun à tout le sujet de l'époque moderne, ce qu'on dit au même moment que le concept même du sujet est comme quelque chose de limité dans l'histoire. Donc le sujet donc, n'est pas une espèce de, n'est pas conçu ici comme une constante anthropologique, mais comme une forme spécifiquement moderne du rapport entre les êtres humains et le monde, entre l'individu et la société. Et donc là, évidemment, on rentre tout de suite dans un problème, si on peut dire, terminologique ou sémantique, qui est tout à fait semblable à la question du travail. Évidemment, si, comme on l'a fait d'habitude, on identifie le travail avec toute activité utile ou productive, évidemment, une critique du travail n'a pas de sens, parce qu'alors il est vrai que les hommes ont toujours travaillé. Si on entend, comme le fait Marx, et comme nous le faisons ici, par travail, cette réduction spécifique de toutes les activités humaines à une seule dépense physiologique du travail, de muscles, nerfs et cerveau, donc au travail abstrait. Et si on entend par travail le fait que donc toutes les activités sont de certaine manière mises dans le même sac, donc au-delà de leur vue spécifique, simplement en tant que production de quelque chose. Donc, alors le travail est une fait spécifiquement historique, et comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, le concept de travail dans cette généralité est inconnu dans l'Antiquité. La même chose pour le sujet. Si évidemment on entend par sujet le fait même qu'il existe des individus au sens biologique qui ont un corps à eux différent du corps des autres, évidemment le sujet est éternel, mais des concepts de ces genres sont tellement génériques qu'ils finissent pour ne plus rien dire. Donc ici, donc, nous entendons le sujet au point de vue de la forme sujet, donc comme quelque chose de spécifique, comme quelque chose qui est en même temps la cause et la conséquence de la société marchande, quelque chose qui est né pratiquement évidemment sur la base d'éléments préexistants, mais qui pratiquement la forme sujet est quelque chose donc, qui est effectivement né peut-être à la fin du Moyen-Âge ensemble avec la forme monnaie, donc nous avons parlé d'autres fois avec la forme argent, et qui prend surtout la forme sujet, comme nous allons le voir aujourd'hui, est surtout quelque chose qui a été formulé pratiquement entre Descartes et Kant, disons entre le 18e et le 18e siècle, sur un plan philosophique, donc théorique, épistémologique, pour devenir ensuite pratiquement une espèce de réalité sociale, surtout au 19e siècle. Donc le sujet, donc ici n'est pas interprété, je le répète, donc comme une constante anthropologique, mais comme une fait historique. Donc on peut aussi écrire une histoire de constitution psychique. Donc la forme sujet, justement, donc c'est quelque chose qui va être commun à peu près à tous les individus d'une certaine époque, d'une certaine culture, au-delà de leur position dans la société. Donc, c'est une espèce d'approche du monde, des formes sujet. Ça fait aussi évidemment référence à la forme a priori chez Kant. Donc, cette idée, donc, chez Kant également, qu'avant toute perception d'un contenu particulier, il y a donc une espèce de forme ou des grilles, ou si on veut, des estampes. Qui préformate, on pourrait dire avec un terme plus informatique, tout ce qui nous Nous pouvons percevoir, de même que pour Kant, évidemment, comme, et tout ce que nous pouvons voir du monde doit toujours passer par cette forme qui est le temps, l'espace et la causalité. Également, la forme sujet décide pratiquement une espèce de filtre entre l'individu au sens biologique et le monde, donc qui est une forme spécifique de se rapporter au monde, qui, déjà pour l'anticiper, essentiellement fait que les individus s'identifient surtout en tant que travailleurs et en tant que personnes qui ont intériorisé une certaine forme de discipline, une certaine forme de rapport au monde, qui, comme je dis, d'une certaine manière, ils ont intériorisé évidemment à travers, en général, leur première socialisation dans l'enfance, et qui, donc on ne peut pratiquement plus se libérer ensuite, qui nous accompagne à peu près toute la vie, mais qu'en même temps, au moins dans certaines époques historiques, dans certaines situations, est quand même un peu comme un vêtement que nous n'essayons pas trop bien, donc nous sentons que nous sommes mal, donc qui nous crée des contradictions, qui nous crée des souffrances aussi dans la forme sujet. Et voilà aussi pourquoi nous sommes capables, de toute manière, de nous apercevoir que cette forme sujet existe. Parce qu'évidemment, si l'identification était totale, on ne pouvait même pas s'apercevoir qu'elle existe ou elle n'est pas naturelle. Pour beaucoup de gens, l'est. Par exemple, justement, la forme sujet, comme nous allons voir, est très liée à la forme, au travail et à l'argent. Donc l'individu conçoit pratiquement son rapport au monde en général à travers, essentiellement pour anticiper, à travers deux formes. L'individu qui prête sa force de travail ou à la limite qui s'approprie la force de travail d'autres, qui en échange obtient de l'argent et qui peut obtenir n'importe quoi dans le monde à travers l'argent. Donc c'est l'un côté. L'autre côté principal de la forme sujet moderne, c'est la forme juridique, c'est le citoyen. Donc c'est la personne qui est porteur de certains droits juridiquement qui nous échouent juridiquement. Et dans les deux cas, donc l'individu en général s'identifie avec cette forme sujet jusqu'au point de ne plus concevoir un autre rapport au monde. Il peut évidemment vouloir changer les conditions concrètes. Par exemple, l'individu moderne peut par exemple contester sa part dans la distribution de l'argent dans le monde et trouver par exemple qu'il lui revient une partie insuffisante. Et c'était, d'une certaine manière, la mission historique du mouvement ouvrier. Donc le mouvement ouvrier, à un certain moment, comme nous avons souvent dit, ne contestait plus le fait que l'activité productive résulte dans l'argent et dans la valeur, mais simplement voulait une autre distribution. Donc ça veut dire donc le fait, par exemple, que tout ce que nous faisons doit se représenter dans une quantité d'argent était totalement intériorisé. Et donc de même qu'on a le droit de vivre qu'en travaillant. Donc, dans ce cas-là, par exemple, justement, le mouvement ouvrier est un exemple justement de ce qui arrive lorsqu'on a totalement intériorisé certaines formes sociales. Et après, il peut y avoir toute une lutte autour de la définition de ce concept, autour de la distribution des poids, mais toujours sur une base qui est normalement déjà présupposé, qui est présupposé de manière implicite et en général inconsciente, parce qu'au moins, après quelques générations, cela se passe à travers normalement à travers l'enfance, et donc n'est même plus conçu comme quelque chose de historique qu'on pourrait changer. Donc la forme sujet n'est donc pas une variante de la vie humaine, comme l'individu au sens biologique. En même temps, ce que j'ai dit ici, donc cette critique du sujet, qui évidemment est aussi fait partie de la critique de la valeur, cette critique du sujet est quand même très différente de la critique du sujet faite par le structuralisme. Le structuralisme, en général, expliquait que le sujet et d'une certaine manière, une espèce d'erreur d'interprétation, qu'en vérité, il n'existe des structures objectives. Ici, il s'agit d'une autre chose. Le sujet est bien réel dans l'interprétation que pose la critique de la valeur, mais il est quand même un produit spécifique de la société capitaliste et donc il n'est donc pas quelque chose de lié à l'existence humaine en tant que telle. Et deuxième point important, la forme sujet interprétée comme telle n'est pas le contraire de l'objectivité capitaliste, mais fait partie de l'ensemble fétichiste. Alors là, je m'explique mieux. Et tandis que, je répète, le structuralisme a simplement décrété plus ou moins que le sujet n'existe pas, donc c'était une espèce d'illusion, une espèce de leurre qui était, auquel les hommes avaient cédé dans les derniers siècles. Du pôle opposé, on trouvait surtout, même à l'intérieur du marxisme, tout ce qui était des interprétations subjectives ou subjectivistes, donc évidemment toute une bonne partie de ce qu'on appelle aussi le marxisme occidental en faisait partie, donc généralement donc de Lukács jusqu'au situationniste ou jusqu'au Castoriadis, etc. Donc en général on présuppose, jusque dans une forme extrême, chez les différentes formes d'opéraïstes et post-opéraïstes, du genre Tony Negri ou Müller-Bouton, etc. Donc dans toutes ces approches présupposent que le sujet humain est une espèce de donnée éternelle avec ses besoins, avec ses désirs, avec sa socialité, auquel le capitalisme, d'une certaine manière, se griffe dessus comme une espèce de forme de manipulation de l'extérieur, ou comme une espèce de violence, ou comme qui arrive de l'extérieur, qui veut, d'une certaine manière, donc, qui serait donc repoussé par le sujet. Donc le sujet, d'une certaine manière, dans cette interprétation, reste toujours présent, d'une certaine manière, comme une espèce de roc qui n'est pas vraiment touché par le rapport capitaliste, et qu'on pourrait de toute manière toujours mobiliser, pratiquement, afin que cette espèce de géant banque, le sujet, pourrait finalement se libérer de cette espèce d'extériorité, par exemple, que le capitalisme avec son exploitation, son obligation de travailler, etc. Donc cette interprétation est très largement répandue dans l'histoire aussi du marxisme et de la gauche en général. Et donc, en général, et très souvent, l'histoire du marxisme est largement marquée par une espèce d'alternance entre le côté objectiviste, par exemple, comme le marxisme qui se voulait orthodoxe, économiciste et aussi structuraliste, et de l'autre côté, l'approche que si vous voulez subjectiviste, comme je dis, qui était normalement les courants plus radicaux, et plus révolutionnaire, entre guillemets, qui en général surtout donc proposait pratiquement donc de s'en ficher de l'objectivité, par exemple d'une crise économique qui pouvait venir ou pas, et de mobiliser essentiellement une espèce de volonté de vivre des individus, une espèce de refus qu'il avait des conditions qui leur étaient faites, et qu'on aurait pu, d'une certaine manière, mobiliser à tout moment. Donc beaucoup des discussions pendant plus d'un siècle à l'intérieur du champ marxiste sont un peu déroulées de cette façon, mais les subjectivistes et les objectivistes, de certaine manière, étaient quand même tous les deux d'accord, sans le savoir, sans le dire, sur le fait même de cette espèce de dualisme sujet-objet même. Donc sans voir, de certaine manière, la constitution même du sujet et de l'objet font quand même partie de l'ensemble du fétichisme moderne. Justement cette idée que de l'un côté existe un sujet totalement autodéterminé, de l'autre côté une objectivité complètement figée, donc cela justement était en général déjà toujours présupposé comme une espèce d'évidence anthropologique. En vérité, et on peut dire que dans des univers pré-capitalistes, cela n'est pas du tout évident. Il suffit par exemple de penser que dans l'univers religieux, par exemple, d'un côté, l'homme se croit largement déterminé par des sujets extérieurs comme le Dieu et les esprits. Donc dans l'univers religieux, le sujet ne se pense pas du tout comme quelqu'un de totalement autonome et autodéterminé, mais il agit par exemple sous une inspiration divine. De l'autre côté, donc l'homme est donc fait d'une certaine manière partie du monde des objets. De l'autre côté, dans toute société prémoderne, la nature n'est pas conçue comme une simple objectivité qui obéit seulement à des lois toujours égales, à des lois scientifiques. Mais donc la nature est considérée comme une espèce de sujet de toutes les sociétés précapitalistes, où la nature et Dieu souvent sont aussi identifiés comme comme quelque chose qui peut avoir une volonté, qui souvent qui peut nous punir, qui peut d'une certaine manière infléchir notre volonté, qui peut agir sur nous. Donc en général, dans toute société prémoderne, la nature, et surtout dans sa forme divine, est considérée justement avec une partie des qualités que nous attribuons à l'idée du sujet. C'est-à-dire, ça veut dire d'avoir une volonté et d'avoir donc... et de pouvoir suivre une espèce de stratégie. Et donc cela, donc, est par exemple assez évident, justement, si nous allons à un des textes fondateurs de l'Occident, l'Odyssée, par exemple, il est très clair, par exemple, que les éléments, d'un côté, ne sont jamais des éléments naturels pour Ulysse, ce sont toujours des divinités, de certaines manières, qui le punissent pour ce qu'il fait, ou au contraire, qui l'encouragent, d'une certaine manière, qui sont des êtres vivants. On dit que Ulysse même, de certaine manière, donc ils sont même des voix divines que lui parle, que lui disent ce qu'il faut faire, qui ont une volonté presque à sa place. Donc ça veut dire évidemment une quelque différenciation entre sujet et objet se trouve dans toutes les cultures humaines, mais ces formes varient grandement. Donc là, donc, je ne vais pas trop insister sur cet aspect, même si la question peut amener assez loin, surtout cette question du découpage assez différent entre ce que nous aujourd'hui nous appelons le sujet et l'objet, ramène aussi à la question du rapport entre nature et culture. Donc, je vous rappelle qu'on a eu un débat intéressant, que plusieurs de vous connaissent, dans les dernières années, justement, sur la question que la même définition de nature et culture est une fait éminemment culturelle et moderne. Donc, il y a surtout donc, le livre récent de Philippe Descola et de Marshall Salins, qui ont, d'une certaine manière, remis, d'une certaine manière, un peu dans la discussion de cette question, que même la différence entre l'être humain, l'animal, la plante et l'inorganique, n'est pas quelque, dans d'autres cultures, n'en a pas du tout le même caractère comme pour nous. Et donc cela, ce sont vraiment des catégories qui chaque culture construit, qui ne sont pas des données, simplement, qui ont une base dans une espèce d'évidence. Comme je dis, quand même aujourd'hui, donc je ne voulais pas suivre cette ligne aussi parce que ça nous porterait assez loin, donc, mais quand même nous limiter à la question comment est né en Occident justement le concept de sujet moderne, donc en général, comme nous allons voir, qu'en général on fait remonter à Descartes, parce qu'il est en Occident avec Descartes. Comme on sait, il y a donc un rapport très spécifique du rapport entre l'individu et le monde qui s'est créé. Donc cette idée qu'il y a d'un côté un moi absolument vide de détermination spécifique qui existe seulement dans son autoconscience, qui se oppose à un monde extérieur qui est conçu comme une pure extériorité. Donc, je répète, évidemment, cela n'est donc c'est le cogito ergo sum de Descartes. C'est évidemment un fait historique. Il a aussi été perçu comme tel. Et dans d'autres cultures, même aujourd'hui, je pense qu'il serait difficile à comprendre. Il suffit de penser aux faits bien connus, que même une langue très sophistiquée comme le japonais, par exemple, ne connaît pas le mot je et moi. Par exemple, comme. On sait, au Japon, il y a plusieurs mots qui tiennent lieu du moi, donc parce qu'on est toujours quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. On parle, je ne connais pas le japonais, mais je pense qu'on dit toujours, par exemple, votre frère, ou votre serviteur, ou votre maître. Évidemment que ce n'est pas mieux, parce que je crois dans le japonais, donc, c'est-à-dire les hiérarchies sociales sont vraiment encore plus ancrées dans les structures sociales qu'ici. On est toujours quelqu'un dans un rapport, en général, très hiérarchisé. Mais, par exemple, cette idée qu'il existe une espèce de noyau stable d'une moi qui est toujours le même, et dans toutes les relations, au-delà de toutes les relations concrètes, qui est si typiquement occidentale, à ma connaissance, par exemple, elle n'existe pas dans la langue japonaise. On peut quand même penser que cela a aussi des conséquences sur la façon de se concevoir. Donc, sans tomber maintenant peut-être dans des stéréotypes, mais c'est affirmation que les Japonais conçoivent bien différemment le rapport entre l'individu et la société qu'ils conçoivent en général, donc les individus sont beaucoup plus prêts en général à se soumettre à des impératifs sociaux, assurément liés justement à une autre forme de concevoir l'individu qui n'est pas la forme sujet, par exemple, occidentale. Et donc, un autre fait d'une certaine importance historique, c'est aussi l'ambiguïté du terme sujet, parce que le sujet, d'abord, le terme de sujet est peut-être doublement ambigu. D'abord, le terme sujet vient du subjectum latin, donc il indique en vérité donc celui qui est soumis. Et en effet, dans certains contextes, encore aujourd'hui, on utilise ce mot dans ces contextes-là. Le sujet, donc, par exemple, être sujet à quelque chose, être soumis à quelque chose, même comme adjectif, être sujet aux cautions, etc. De l'autre côté, en général, sujet, au contraire, est indiqué comme... justement comme une espèce de toute-puissance, justement comme celui qui domine le jeu, justement comme le sujet, justement celui qui n'est pas dominé par l'objet, mais au contraire. Justement, on voit déjà dans cette ambiguïté sémantique que sujet et objet peuvent assez facilement changer de place. Et donc celui qui est soumis peut facilement être celui qui est soumis et vice-versa. Et cela indique le fait, sur lequel on doit insister, que le sujet moderne de côté donc, se base sur une espèce de... centralité de l'individu ou du moi qu'on ne connaît pas dans d'autres cultures, justement le moi de cartésien, mais de l'autre côté, cette espèce de triomphe du moi est acheté au prix que le moi n'est que moi, le je n'est que je, au prix de s'identifier totalement justement avec la structure objective déjà donnée, donc essentiellement surtout la structure de la valeur, de l'argent et du travail. Donc le sujet moderne donc, est sujet dans le sens qu'il s'identifie avec cette structure, qu'il tienne sa place dans un monde régi donc, par le travail et les catégories qui en descendent, comme par exemple un rapport très détaché par rapport aux émotions, donc, par rapport au corps, à l'extériorité, etc. Donc, même historiquement, et après je vais insister sur ça, le sujet s'est formé historiquement justement en se soumettant exactement à toutes les exigences de la production moderne. Donc, et plus on se soumet aux exigences, plus par exemple on soumet par exemple ce rythme biologique, naturel et corporel aux exigences de la production qui elle-même est régie par un temps abstrait de la. De l'horloge, plus on fait ça, plus on se soumet à ça, plus on est sujet au sens moderne, c'est-à-dire quelqu'un de responsable, quelqu'un auquel on peut se fier, quelqu'un qui a le droit, de certaine manière, d'être maître de soi-même. Et justement, dans la modernité, ceux qui ne se soumettent pas à ces règles, comme par exemple, selon le contexte, les enfants ou les domestiques ou les femmes ou les gitans ou d'autres. Donc justement, ceux qui ne se soumettent pas assez à ces règles sont justement ceux qui ne sont pas considérés sujets, mais qui restent en général les objets de la tutelle des autres, parce qu'en certaine manière, on ne peut pas se fier à eux. On ne peut pas se fier, par exemple, qu'ils accomplissent le devoir qu'on leur donne parce qu'ils n'ont pas assez intériorisé leurs règles. Donc justement, on devient donc sujet dans la modernité, exactement, en se faisant l'objet de règles qui descendent directement, indirectement, de la production des valeurs et de toute la vie sociale qui s'y annexe. Donc voilà que justement, pourquoi il est déjà assez ambigu si toute une philosophie moderne, d'ailleurs marxiste ou pas, consiste toujours sur la libération du sujet ou sur la face à l'objectivité, parce que ce que nous, pratiquement, nous nommons sujet dans la modernité, comme je l'ai dit, n'est pas du tout le pôle vraiment de l'individu réel avec ses besoins, avec ses désirs, mais c'est la forme sujet. Donc aujourd'hui, on est sujet justement, comme je dis, donc justement dans sa adaptation à quelque chose qui en même temps est une pure objectivité extérieure. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Donc deuxième ambiguïté même sémantique du sujet, donc le sujet peut indiquer d'un côté l'individu, une personne, mais un sujet peut aussi être un sujet collectif. Donc nous reviendrons à ce sujet. Donc les deux grands sujets collectifs de la modernité, c'est d'un côté la classe, et de l'autre côté, alors les bourgeoisies, le prolétariat, etc., sont considérés comme le sujet de l'histoire. Et de l'autre côté, le grand rival, c'était la nation, le peuple, la race. Donc c'était à peu près les deux alternatives, même si parfois elles pouvaient se mélanger. C'était les deux grands prétendants, au moins jusqu'à une date récente, au tronc du sujet. Et donc il y a donc déjà une superposition assez curieuse entre ces deux termes. On est sujet individuellement, mais il existe aussi des sujets collectifs, et en général, on est un sujet individuel aussi à travers sa participation à un sujet collectif. Après, historiquement, cela a eu une histoire assez mouvementée, que maintenant nous allons un peu commencer à examiner. On peut dire que historiquement, on a eu d'abord une espèce d'affirmation du sujet individuel et sur un plan essentiellement de la connaissance. Donc, entre Descartes et Kant, le sujet est surtout conçu encore comme un sujet en sens épistémologique, comme un sujet totalement abstrait, donc il réduit purement à être pratiquement le porteur vivant de la connaissance du monde. Justement, la particularité du sujet tel qu'il est défini par Descartes, Kant et les autres philosophes de l'époque, c'est qu'il est totalement vidé de toute individualité, de toute particularité, de tout ce qui fait vraiment que chacun est ce qu'il est, que justement un individu qui est réduit à être une espèce de, comme dans les mathématiques, une espèce de point sans extension, un point abstrait, donne les coordonnées de la connaissance du monde. Donc c'est un individu pratiquement qu'on a totalement vidé de toute substance, de l'individu qui s'est mis en place au XVIIIe siècle. Là aussi pour anticiper, cet individu abstrait et en même temps la base du développement futur capitaliste, donc du producteur de valeur, et en même temps il est aussi déjà la conséquence des premières pas de la mise en place de la valeur. Ici comme ailleurs, donc, il faut refuser toute idée comme une base d'une superstructure, donc structure psychique et structure productive de certaines manières. Donc ce sont deux choses qui se, comme je souligne toujours, qui se renvoie tout le temps l'un à l'autre, qui se renforce. Et donc cette mise en place du sujet moderne, donc abstrait, donc est strictement lié à la naissance justement du travail abstrait et de la valeur abstraite, donc une espèce d'évacuation des contenus à une réduction de la réalité pratiquement à des facteurs purement formels. De même que le travail abstrait réduit tous les travaux, toutes les activités à une simple dépense physiologique, de même le sujet, déjà au sens épistémologique, réduit la multiplicité des individus différents à être tous seulement des expressions plus ou moins casuelles, et d'une certaine manière, même si on veut fâcheux de l'individu, du sujet avec majuscule, donc avec ce sujet de la connaissance, c'est moi, c'est cogito au sens cartésien. Et justement, de même que dans une société marchande, le travail concret ne peut pas disparaître, mais il n'a pas tellement le droit d'exister, qu'on tente que corps nécessaire du travail abstrait, parce que le travail abstrait ne peut pas exister dans le vide, donc il faut, parce que le travail abstrait n'est que le côté concret du travail, il faut donc un porteur qui est le travail concret. De même, justement, la valeur ne peut pas exister dans le vide, donc la valeur doit toujours se incorporer dans une marchandise, dans une valeur d'usage, mais nous avons vu, ce n'est pas un rapport équilibré, parce que la valeur d'usage et le travail concret sont toujours soumis au côté abstrait, donc il ne finit que par être cette espèce de reste de réalité, donc l'abstraction ne peut pas se libérer. Même chose justement par la forme sujet, voilà pourquoi c'est très parallèle. Donc la chose finalement qui compte, c'est justement l'individu. C'est le sujet justement vidé de tout, tout contenu concret, c'est le sujet en tant que pur porteur de la connaissance d'abord, ensuite de la volonté. Et donc les individus concrets, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Donc même pour Carte, même pour Descartes, même pour Kant, il y a des êtres humains concrets. Mais à certaines manières, là aussi, ils sont pratiquement que le porteur, si on veut, toujours imparfait, d'une certaine manière presque superflu par rapport à ce qui compte vraiment, qui est donc la... l'individu, donc l'individu dans son abstraction. Et donc, historiquement, donc après une première phase qui encore s'est passée largement dans la tête des philosophes, donc c'est la forme sujet, comme sujet de connaissance qui s'est mis en place. Et donc cela est aussi d'ailleurs présenté avec beaucoup d'emphase aussi comme une libération de l'être humain. Donc en général, donc c'est justement c'est l'époque de lumière. Donc cet individu abstrait, donc libre de tous les liens concrets, donc est aussi libre de la religion. Donc ce n'est plus l'individu qui tient sa place dans le monde de Dieu, mais qui ne tient d'une certaine manière que de lui-même. Voilà pourquoi donc cette naissance de l'individu moderne a aussi donc, jusqu'à aujourd'hui est généralement présentée, même dans les histoires de la pensée, comme un gros progrès, comme une espèce de dépassement de la métaphysique, comme une espèce de devenir adulte de l'être humain. Donc on connaît bien la phrase de Kant qui le résume le mieux, où il dit que les Lumières, c'est la sortie des hommes de leur état de minorité. Mais justement, alors... C'est bien ça. Oui, justement, donc, cette phrase est très connue, fait aussi que Kant est très généralement reconnu comme un penseur plus ou moins de l'émancipation humaine, donc comme quelqu'un donc, qui avait, donc, d'une certaine manière, résumé la nouvelle bourgeoisie, donc des gens donc, finalement libérés donc, de l'emprise de la métaphysique, de la religion, du féodalisme, de l'hiérarchie naturelle. Justement, la critique du sujet que j'ai présenté ici, qui était d'ailleurs qui est largement aussi là le produit des travaux des revues Exit et Crisis et de Robert Kurz. Donc, cette critique du sujet dit que d'une certaine manière, là, on a fait que, si on veut, de passer de la, comment dire, de tomber de la, comment dire, du feu dans la braise. Mais, oui, si on veut, oui. Parce que, d'une certaine manière, on a... parce qu'en vérité, l'ancienne métaphysique religieuse, en vérité, n'a pas vraiment été dépassée vers une société émancipée, mais vers une autre forme d'hétéronomie, vers une autre forme de métaphysique, qui est justement la métaphysique marchande, donc qui n'est même plus confinée dans un ciel, mais maintenant qui existe dans les actes quotidiens. Que la forme sujet moderne, donc cette perspective que si je vous présente, donc n'est pas du tout... on ne dit pas du tout une liberté plus grande par rapport au sujet religieux, mais d'une certaine manière, née simplement du fait que l'être humain, au lieu de se croire dépendant d'une instance extérieure, donc l'instance religieuse, maintenant il a intériorisé toutes les contraintes qui naissent donc de la société marchande. Et donc il les a intériorisées, il les accepte, donc en général, il tire même sa définition de soi-même, de son rôle de travailleur et de quelqu'un qui gagne et qui dépense de l'argent, qui est une citoyenne de l'État. Et donc la forme sujet, donc en tant que telle, n'est pas du tout quelque chose de moins métaphysique et de plus libre par rapport aux formes anciennes. C'est simplement quelque chose qui maintenant s'est déplacé vers l'intérieur du sujet. Et qui en même temps présente quand même des grandes différences avec l'ancienne forme sujet religieux, comme nous allons voir d'abord, parce que essentiellement parce que la forme sujet, différemment de l'âme qui était dans la religion chrétienne, est donnée à tout être humain, pratiquement sans mérite particulier, parce qu'on est avec une âme, donc c'est effectivement le grand mérite des religions universelles, donc le qu'il n'y a pas une espèce de présélection, tandis que, certaine manière, la forme sujet moderne est une espèce de métaphysique où il faut s'engager, il faut mériter son statut. Donc il faut introduire certaines contraintes et après il faut être ou membre, dans les deux formes plus classiques, il faut être ou être membre d'une classe, donc on devient sujet à travers une activité économique, donc travailler ou faire des investissements, etc. Ou on devient sujet en participant à la race ou à la nation. Là, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on est dans cette condition, mais également, on risque tout le temps d'être, d'une certaine manière, mis à la porte de ce statut-là, parce qu'il faut défendre sa nation dans la guerre, ou il faut démontrer qu'on est vraiment un membre de la race élue dans le... du moment, parce que sinon on risque toujours d'être exclu. Donc la forme sujet moderne est basée, là effectivement une certaine différence avec la forme religieuse au monde chrétien, et la forme sujet se base toujours sur l'exclusion. Donc ces critères ne sont jamais des critères qui s'appliquent à tous les êtres humains, mais c'est toujours quelque chose pour lequel il faut lutter, il faut surtout lutter dans son propre fort intérieur. Donc il faut toujours se démontrer d'une certaine manière digne de la forme valeur, comme je dis, il faut par exemple démontrer sa supériorité face aux émotions, par exemple sa supériorité face au sentimentalisme, mais aussi face à ses propres besoins physiques, par exemple dans la guerre et dans le travail, qui sont les deux activités particulièrement principales dans lesquelles le sujet démontre d'être un véritable sujet. Et donc le sujet est toujours défini par opposition à ceux qui ne le sont pas. Donc le travailleur donc, est toujours défini par rapport aux parasites ou à ceux qui ne travaillent pas. Donc le membre d'une nation ou d'une race est toujours indiqué comme supérieur par rapport à d'autres qui n'appartiennent pas au même peuple. Voilà pourquoi le statut du sujet moderne donc n'est jamais pensé comme identique à l'être humain ou à l'individu, mais toujours comme une espèce de catégorie basée sur l'inclusion et l'exclusion. Après, on va le voir un peu mieux. Tandis que, évidemment, pour certaines, par exemple, surtout par la version de droite, c'est-à-dire nation, peuple, classe en général, c'est une statue avec laquelle à peu près on est ou on n'est pas, donc le bon côté du sujet. Donc, pour l'autre, pour la personne de gauche, pour la classe en général, donc c'est quelque chose qu'il faut mériter. Donc voilà pourquoi sous la gauche, c'est basé sur une idée de l'universalisation du principe de sujet. En général, donc la personne, comme j'ai dit, en général, la version peuple ou race, en général, affirme que le propre peuple est supérieur aux autres et doit le dominer. Tandis que la version classe, c'est-à-dire du sujet collectif moderne, au contraire, en général, affirme que tout le monde peut être de la bonne classe. Et voilà pourquoi, en général, et que toute exclusion, de certaine manière, n'est que temporaire. Et voilà une bonne partie de l'histoire de des deux derniers siècles, de ce qu'on peut appeler mouvement révolutionnaire, émancipateur ou de gauche, etc., consistait dans le fait, dans la tentative d'élargir ce statut du sujet initial, donc de donner le rôle du sujet à des groupes de la population qui ont été exclus au début. Alors, parce que là, c'est clair, on va aussi le voir par exemple chez Kant, et au moment chez les Lumières, comme je dis, ce n'est jamais l'être humain qui est identique au sujet. Les sujets sont pratiquement ceux qui, justement, qui sont capables, d'une certaine manière, d'assumer leurs responsabilités, d'être membres au titre plein de la société, et de penser avec leur propre tête, c'est une définition explicite chez Kant, et donc ça fait que pratiquement, à l'époque des Lumières, ce n'était pratiquement que les hommes, blancs, alors donc les mâles, blanc et un chef de famille et qui avait en général une certaine indépendance économique qui était vraiment considérée comme sujet. Donc même les penseurs entre guillemets les plus démocratiques de l'époque comme Kant en général limitaient le statut du sujet à ce genre-là. Évidemment, il y avait des contestations déjà à l'époque, dans la Révolution française surtout, donc en théorie, on avait donné le droit de vote à tous les mâles, donc français, mais tout, pas encore aux femmes. Et là, c'était pas lié à la propriété, mais c'était la constitution de l'année 2 qui, de toute manière, n'a jamais entré en vigueur. Et pendant encore longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle, pratiquement voter était limité à ceux qui avaient au moins quelques propriétés. Et pas aux domestiques, justement, je pense que j'ai dit, par exemple, les domestiques, justement, par exemple, étaient considérés comme, pratiquement comme très proches des enfants dans leur statut juridique, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas une indépendance, donc qui n'étaient pas du sujet. Par exemple, on pensait, par exemple, qu'ils n'étaient pas capables, à la limite, de prendre une décision pour eux-mêmes. C'était souvent même les gens, les ouvriers, par exemple, qui ne voulaient pas qu'on donne le droit de vote aux domestiques parce qu'ils pensaient que le domestique n'aurait pratiquement que voté pour le candidat, par exemple, indiqué par leur maître. Et donc, la histoire de la pensée moderne la pensée d'émancipation moderne est largement c'est basée sur l'idée que le statut du sujet n'est pas une chose mauvaise en tant que telle, mais que l'erreur consistait seulement dans sa définition trop étroite, et donc il faut peu à peu élargir cette définition. Donc il faut les batailles pour le droit de vote étaient par exemple assez typiques, mais c'était pas la seule chose. Donc on avait finalement inclus peu à peu tous les membres de la société. Donc aussi ceux qui n'avaient pas de propriété, à un certain moment les femmes aussi. On avait baissé même l'âge électoral, donc on avait là aussi fait une définition plus large du sujet. Et après, la société donc, s'est heurtée contre les cas limites où on ne savait plus quoi faire, par exemple avec les malades mentaux ou avec justement avec les enfants. Et même aujourd'hui, donc il y a des gens qui proposent, donc je pense même des éminents juristes, par exemple, de donner des droits juridiques, par exemple, aux animaux ou en général à la nature, même de faire de la nature un sujet de droit, donc qui peut-être, à la limite, à travers ce défenseur, peut revendiquer même ses droits dans les tribunaux, par exemple, de n'être pas endommagé. Donc cela démontre d'ailleurs, d'un côté, combien le statut du sujet est quelque chose de. Qui est sujet à définition. Donc, comme je dis, ça peut aussi aller au-delà des limites de l'humanité. Et de l'autre côté, on voit que quand même le sujet comme je dis, reste quand même toujours, d'une certaine manière, lié aux critères, justement, de ce que la société marchande attend des personnes. Parce que tout cet élargissement donc, de forme sujet, normalement, sont arrivés, effectivement, au moment où les catégories en personne, par exemple, les femmes ou les populations non blancs du monde, avaient démontré de certaines manières d'être maintenant assez mûr, entre guillemets. Assez mûr, entre guillemets, ça veut dire pratiquement d'avoir intériorisé cette forme sujet. Donc ça veut dire d'avoir intériorisé toutes les contraintes et par exemple d'accepter de consommer, d'accepter de régler leurs problèmes, par exemple, pas avec une violence immédiate, mais par exemple en allant chez le juge. Donc tout cela, ce sont des critères donc, qui font que quelqu'un est considéré un sujet. Donc pratiquement l'idée qu'il ne faut pas lui dire tout le temps ce qu'il faut faire, parce qu'il le fait spontanément. Justement, cela est souvent présenté comme une condition de la liberté. Justement, quand on n'a pas un maître tout le temps qui te contrôle, mais justement, dans une autre perspective, ça veut dire que ce n'est pas une véritable liberté, c'est la liberté justement des personnes qui maintenant, à un certain moment, qui sont chargées comme des poupées et qui font tout seul. C'est évidemment la question du déjà cité, je crois, du panopticum du Bentham. Donc finalement, donc les prisonniers, donc il ne faut plus contrôler parce que maintenant ils ont les gardiens dans leur propre tête. Et d'ailleurs, le panopticum nous fait penser que parmi les rares critiques donc de lumière et de la forme sujet, on peut aussi trouver certaines parties de l'œuvre de Michel Foucault, même si quand même la critique là passe quand même par d'autres biais de certaine manière. Mais lorsqu'il parle du passage de la société du contrôle à la société disciplinaire, de certaine manière, il touche quand même un thème assez similaire. Même si, évidemment, chez nous, ça n'est pas du tout lié à la critique de l'économie politique et au rôle du fétichisme de la marchandise. Chez Foucault, toutes ces choses-là semblent tomber du ciel comme ça, comme une espèce d'erreur de lecture de la réalité, donc avec ces épistèmes. Donc le sujet moderne est donc défini comme un travailleur, donc ce ne veut pas dire nécessairement comme un ouvrier, mais comme quelqu'un qui a soumis sa vie aux exigences de la production, non de la production d'objets d'usage, mais de la production de valeur. Donc c'est quelqu'un donc, qui conçoit pratiquement que ce rapport avec les autres sont des rapports entre des individus des marchés. Donc on rencontre chaque individu, donc rencontre l'autre au moins au-delà d'une certaine cercle, par exemple le cercle peut être familial, donc on rencontre l'autre donc essentiellement en tant que porteur d'une certaine quantité de valeurs donc il a réussi à se emparer et qui évidemment s'exprime dans l'argent qu'il porte. Voilà pourquoi Marx a appelé très bien l'argent, il a dit que c'est le lien social que chacun porte avec soi dans sa poche. Et donc, je répète toujours l'exemple encore pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer vraiment la grande différence entre la logique du marché et du capitalisme et une autre type de société. Si nous prenons une ferme, excusez-moi si vous considérez l'exemple, dans une ferme traditionnelle, il existe une division du travail qui peut d'ailleurs être très mauvaise et très injuste, mais les individus sont dès le début partie d'un ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui coupe le foin, il y a d'autres qui s'occupent du bétail, il y a peut-être une autre personne qui se limite à faire la bénédiction aux autres, mais chacun est membre de ce groupe par une tâche qui lui a été donnée, qui peut aussi être une tâche imaginaire. Il ne doit pas prouver après tout qu'il est membre de cette petite société qui est la ferme. Il est dès le début, donc il ne peut même pas échouer dans cette tâche. Il peut évidemment tenir une très mauvaise place à l'intérieur, mais il ne peut pas échouer parce qu'il ne rencontre pas les autres en tant qu'atome sur un marché anonyme. Et donc, à peu près dans toutes les sociétés pré-capitalistes, marchaient d'une main de l'autre comme ce genre de ferme. C'est-à-dire qu'il y avait un ordre préétabli, en général d'ordre d'origine ou religieuse ou militaire, c'était une conquête initiale, qui distribuait les tâches et après, donc, les membres de la société étaient de toute manière étaient toujours là. Donc même les travaux exécutés, en général, dépendaient de leur rôle social qu'il avait déjà et pas vice-versa. Tandis que, justement, l'effet basique du capitalisme, c'est que chacun, ou au moins chaque unité de production, est seul au début, et pratiquement il doit faire quelque chose dont il pense qu'il peut réussir à le vendre aux autres, et après il va sur le marché, et ça marche ou ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas trop souvent, pratiquement il est même exclu de la société. Et donc c'est pratiquement la identification avec cette manière de vivre qui fait qu'on a accepté comme un sujet. Justement, aujourd'hui, à peu près tout le monde est reconnu comme un sujet, mais il est justement, c'est une caractéristique, par exemple, des gens, par exemple, qui boivent trop, qui après font des dettes, lorsque leur paye, par exemple, une aide sociale, qui les dépensent dans les trois premiers jours et après ils ne savent plus comment vivre, qui, lorsqu'ils se disputent avec leurs voisins, ils cassent tout de suite la gueule au lieu d'aller au commissariat de police. Donc tous ces gens-là, justement, sont toujours à peu près à une part d'être pratiquement mis sous tutelle. Donc soit totalement, donc avec lorsqu'on les déclare, comme on dit, incapables, soit pratiquement déjà, si on te flanque une assistance sociale, si on te oblige de faire, je ne sais pas, des cours de sensibilisation, de formation, etc., déjà, tu n'es pratiquement plus un sujet au sens que tu n'es plus libre de faire tout ce que tu veux. Donc, tu es déjà pratiquement traité comme un enfant, donc, auquel on doit apprendre les bonnes façons. Donc là, ça démontre aussi que le statut de sujet n'est pas du tout quelque chose qui est acquis pour toujours, mais on risque toujours de le perdre, justement, si on ne respecte pas assez le standard qui sont nécessaires pour être reconnu un sujet. Ce qui peut d'ailleurs créer beaucoup de conflits, même ce qu'on appelle les conflits interculturels, parce que c'est vrai, il y a les immigrés, ou par exemple, au contraire, par exemple, qui ont par exemple, porté d'une autre conception du sujet, ou par exemple, au contraire, si tu ne réagis pas tout de suite avec un coup de gueule à quelqu'un qui te rentre dans la rue, tu es considéré une lâche, et donc qui vivent ce conflit entre ce modèle-là, parce que tu le suis ici en Europe, justement, tu n'es plus considéré comme un sujet, comme une personne qu'il faut renfermer de toute manière, donc il faut limiter la liberté d'action. Et on peut même dire, même au niveau collectif, on peut très bien perdre pratiquement son statut du sujet. Par exemple, même si on entend un État comme un méga-sujet, on peut dire que, par exemple, des pays comme la Grèce ou les autres pays ont pratiquement perdu leur statut du sujet. Ils sont sous tutelle, ils sont plus libres de décider ce qu'ils veulent faire. Donc ils sont pratiquement là aussi traités comme des incapables, comme des enfants auxquels des gens plus sages qu'eux, ils prescrivent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire avec leur argent. D'ailleurs, ne pas avoir la pleine disponibilité de son argent est pratiquement souvent le signe même le plus fort d'une espèce de minorité, au sens juridique ou psychologique, dans notre société. Hein. Donc, être libre de faire tout ce qu'on veut avec son argent, en général, est presque une définition aujourd'hui d'être un sujet dans le plein de ses droits. Justement, si par exemple on te met sous contrôle, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Ou même si, par exemple, il arrive, par exemple, que même des gens dans les classes bourgeoises qui ont fait un gros héritage, qui le dépensent trop vite, il peut leur arriver que d'autres membres de leur famille donc, tentent de les interdire. Donc là aussi, on contrôle ce qu'ils font avec leur argent, et donc, là aussi, ils ne sont plus de sujets. Donc tout cela pour expliquer que le statut du sujet est quelque chose qui est lié au respect d'une série de règles, donc qui sont les règles nécessaires pour le fonctionnement de la société marchande. Et donc, au début, leur définition était assez étroite. Aujourd'hui, apparemment, cette définition est beaucoup plus large. Il n'est jamais quelque chose qui est identifié à l'être humain. Et donc, on peut aussi, finalement, perdre ce statut. Et c'est justement aussi un des développements qui prend la décomposition de la société capitaliste là où se décompose, parce qu'il y a plus de personnes qui sont pratiquement qui ne sont vraiment plus des sujets dans le sens d'être libres de décider ce qu'ils veulent. Par exemple, les nombreuses personnes dans les chambres de réfugiés, par exemple, les immigrés qui arrivent en Europe, qui sont mis dans les centres de rétention, donc ils ne sont pas libres, ils ne sont pas des sujets, donc dans le sens ils ne peuvent ni aller où ils veulent, ou lorsqu'on leur donne un peu d'argent, ils doivent rendre compte de ce qu'ils en font, etc. Le sujet, pour le résumer, est une création de la société capitaliste moderne. Donc c'est ce qui fait vivre la société capitaliste. La société marchande ne pourrait pas vivre si les individus n'avaient pas accepté, intériorisé cette forme sujet. Et ça veut aussi dire qu'un au-delà de la société marchande ne peut pas du tout consister, dans la perspective que moi je propose, ne peut pas du tout consister dans une espèce de libération du sujet qui serait opprimé par la forme marchande, par le travail, etc., mais par le dépassement de cette forme sujet pour arriver à une autre conception, à une autre constitution de l'individu. Donc ce que nous appelons donc la forme sujet donc n'est pas du tout le contraire de la logique marchande, mais à certaines manières et sa face psychologique. C'est déjà 6 heures. Alors maintenant je voulais un peu donc passer pour 3 étapes de la formation du sujet moderne, donc c'est-à-dire de Descartes, on a déjà un peu parlé l'année dernière d'Immanuel Kant et des Marquis de Sade. Après, je ne pense pas de rentrer beaucoup dans la continuation de la forme sujet du 19e siècle, parce que ce serait encore plus complexe, donc avec dans la pensée et avec les méga-sujets de la classe et de la race. Mais justement, cette forme sujet doit nous amener, dans les prochaines séances, à parler justement du narcissisme, justement du narcissisme comme phénomène social, donc du narcissisme que, de l'un côté, dans un sens plus large, est déjà la base de la toute forme, de la forme sujet moderne, parce que justement, Le Ponce, donc je suis les Descartes, exactement, déjà une formulation extrêmement narcissique du monde, où il y a une opposition entre un moi vide et un monde extérieur qui se dérobe. D'un côté, dans un sens large, le narcissisme est la base de toute la forme sujet moderne. De l'autre côté, la forme sujet moderne est rentrée quand même dans une phase, dans une espèce de troisième phase. Je dis, la première phase était plutôt théorique dans les têtes des philosophes, la deuxième était bien réelle et aussi bien sanglante dans le fond de la race et de la classe et des conflits qu'on essaie. Mais dans les dernières décennies, ou peut-être déjà après la Deuxième Guerre mondiale, de certaines manières, on assiste, comme on peut voir facilement, à une espèce d'individualisation du sujet, tandis que le sujet collectif perd beaucoup de leur force, aussi de leur force d'identification. Maintenant, donc chacun est pratiquement son propre souverain. Donc aujourd'hui, donc, là, on va revenir sur cet élément qui est en plus assez évident. Donc aujourd'hui, donc l'individu aussi ne se définit pas tellement en tant que membre d'une grande souveraine qui est sa classe ou qui est son peuple, mais en général, donc chaque individu pratiquement tend dans cet élément, ou est invité à se considérer comme une espèce de monde à part, comme quelque chose, comme une souveraine à titre entier. Donc c'est là le narcissisme au sens plus étroit. Donc le narcissisme en tant que dépassement d'une société névrotique basée sur la répression des instincts, et au contraire, donc sur le narcissisme au sens plus strict, c'est-à-dire donc comme une forme, une individu donc qui pratiquement évite tout conflit, qui n'est même pas arrivé donc au stade de la répression du désir, mais pratiquement qui vit, pratiquement passe toute sa vie dans une satisfaction hallucinatoire de ce besoin. Et là on va en parler la prochaine fois, donc du narcissisme au sens de la psychoanalyse. Et donc pour revenir un peu à la naissance du sujet, donc on peut dire que le sujet est l'autre côté de la valeur marchande, c'est son porteur vivant. Donc il n'est pas seulement celui qui a intériorisé la nécessité de travailler, mais c'est aussi celui qui a intériorisé en général la même indifférence pour le concret, pour le monde extérieur, pour tout contenu, laquelle constitue l'essence du travail abstrait. Donc évidemment, la société marchande reste toujours indifférente au contenu, parce qu'en vérité, son seul cœur, c'est la multiplication de la valeur, et tout le concret, nous l'avons dit très souvent, n'est qu'une espèce de mal nécessaire pour ces processus. Donc nous avons dit, donc, du point de vue du travail abstrait, ça n'a fait aucune importance si on découpe une forêt ou si au contraire si on plante des arbres, si on produit des bombes ou si on plante des jouets. Donc cela, c'est absolument secondaire par rapport à cette abstraction toujours égale. Et donc le sujet, justement le sujet au sens moderne est justement celui qui partage cette espèce d'indifférence face au monde extérieur, qui se conçoit pratiquement seulement en tant que créateur de la richesse abstraite, et qui pratiquement et s'en fiche par exemple des conséquences sur la nature, ou même sur la nature extérieure, ou sur les êtres humains, ou même sur son propre corps. Alors, une forme vide, une volonté sans contenu, une indifférence pour l'extérieur, c'est là que réside le profond isomorphisme entre le sujet moderne et le travail abstrait. Le refus spontané de cette absurdité, de cette dénégation de tout rapport réel avec le monde, est précisément ce qui déqualifie un individu dans la société du sujet, ce qui le rend indigne de participer au statut de sujet. C'est d'ailleurs, c'est aussi une chose qui est aussi décrite dans la littérature, dans le cinéma, etc. Parfois, le conflit, par exemple, entre les colonisateurs blancs et les indigènes, ou entre les couches populaires et les bourgeois, etc., où les gens qui n'étaient pas suffisamment sujets, justement, ne voyaient pas pourquoi ils doivent faire des travaux absolument inutiles qui ne servent à personne. Donc, justement, ils se refusent à faire des choses qui sont visiblement absurdes. Tandis qu'évidemment, c'est quelqu'un qui est déjà dans la perspective du travail. Par exemple, il dit simplement, il faut que tu travailles. Donc ne demande pas si son activité, si cela est utile ou pas. Je me rappelle, juste vers l'esprit, je vois le premier film de Pasolini, je pense, à 14, je sais pas, cette scène où il y a, je l'ai vu très longtemps, mais il y a cette scène, je pense, d'une jeune sous-prolétaire, donc qui... Justement, qui n'a pas du tout envie de travailler. Donc, une journée, on l'oblige à travailler. On lui dit, par exemple, de décharger un camion qui est plein de ferrailles. Et il dit, bah, pourquoi ils sont si bien là sur le camion? Pourquoi il faut le décharger? De toute manière, elles ne servent à rien. Oui. Et oui, donc il y a, donc, je pense qu'on pourrait faire une jolie anthologie littéraire et même de cinéma sur tout ce cas des conflits entre une conception de l'activité qui est spécifique à d'un but et d'une autre qui ne dépend que, où on dit aux gens qu'il faut simplement travailler pour consommer. Hein. Comme aussi l'histoire, je pense que tout le monde connaît, non, sur les touristes et les pêcheurs. Vous connaissez cette anecdote, non? Oui, il faut que vous pêchiez davantage. Alors, il faudrait que vous modernisiez, que vous embauchiez quelqu'un, que vous pêcheriez plus de poissons. Mais pourquoi? Parce que vous allez pêcher plus de poissons, donc vous allez avoir plus d'argent. Puis après, il le pousse. Oui. Puis à la fin, il dit toujours le touriste, il dit pourquoi? Mais comme ça, vous pourrez vous reposer, prendre du temps de libre. C'est ce que j'ai déjà. Oui, on peut la raconter beaucoup plus longuement. Oui, alors il y a tout un tas d'étapes. Donc toutes ces histoires, effectivement, ce sont aussi des conflits entre une vision plus ou moins concrète et une vision abstraite du monde. D'ailleurs, il ne faut jamais idéaliser. On peut même, au nom d'une logique concrète, faire des dévastations notables. Donc des catastrophes écologiques ont aussi été produites déjà dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge. Donc il ne faut pas penser que c'est toujours positif. Mais c'était évidemment une reproduction autre, et surtout qu'il n'y avait pas cette tendance à l'illimité, parce que justement l'abstrait est illimité, le concret est toujours limité de quelque manière. Donc justement pourquoi toute accumulation de richesses concrètes trouve sa limite, tandis que l'accumulation d'argent ne peut jamais trouver des limites, parce que ce n'est qu'un chiffre, ce n'est pratiquement auquel on peut toujours ajouter une autre zéro. Hein. Donc, en même temps, la forme sujet est donc réduit donc l'individu surtout à sa fonction donc de travailleur, mais en même temps, la vie ne consiste pas seulement dans le travail, ne consiste pas seulement dans l'activité citoyenne. Il y a beaucoup d'autres activités, par exemple classiquement l'élevage d'enfants et le ménage. Comment ? Éducation. Oui, oui. Ah, d'accord. D'accord, merci. Donc, qui rentre difficilement dans une perspective de travail. Mais cela n'existe pas hors de la société marchande, mais dans la société marchande est incorporée, mais en tant qu'inférieure. Justement, ceux qui connaissent un peu la critique de la valeur, donc la reconnaissance de ce fait-là était une étape importante dans l'élaboration de la critique de la valeur, proposée d'abord par Roswitha Scholz. Donc, il va sous le nom un peu compliqué, donc maintenant des valeurs scissionnent. Donc en allemand c'était Abspaltung. Donc Abspaltung, ça veut dire plutôt de couper quelque chose d'une corps principal. Donc c'est un terme freudien, donc ça veut dire que le sujet expulse une partie de ce que ne lui plaît pas, il l'expulse comme si c'était quelque chose d'extérieur, avec lequel il ne veut plus avoir de rapport. Et justement, la société marchande, donc, la production des valeurs ne peut pas avoir lieu sans une autre sphère d'activité, et qui sont juste surtout la reproduction domestique. Et ce sont les activités qui traditionnellement ont toujours été assez liées aux femmes. Et donc ces activités-là donc, ne produisent pas des marchandises et donc ne représentent pas dans une quantité d'argent. Mais en même temps, il serait erroné de penser que c'était une sphère libre, autre. Parce que ce n'est pas une sphère pratiquement d'épanouissement de l'humanité, parce que cette autre sphère existe déjà pratiquement en tant qu'auxiliaire de la production des valeurs, et donc n'est pas du tout, donc, de certaine manière, une sphère qu'on pourrait opposer comme une espèce de pôle positif par rapport à la production des valeurs. Donc, dans la forme classique, donc la main. Donc ce que fait la ménagère, par exemple, en général, dans une perspective classique, n'est pas considéré comme du travail. On dit, bon, elle ne travaille pas, par exemple, elle est à la maison, elle ne travaille pas, forme de langue classique. Tandis que son mari, il travaille, même s'il produit par exemple, dans des bombes, dans une usine, c'est du travail. Donc là, déjà, on voit que la définition du travail n'a rien à voir avec l'utilité, avec le contenu. Donc produire des bombes, c'est du travail, tandis que éduquer les enfants, éduquer les enfants, ce n'est pas un travail. Alors, il serait assurément une fausse solution, comme elle est proposée comme une partie du féminisme, de transformer encore le reste aussi au travail et de donner, par exemple, une salaire aux ménagères. En vérité, ce serait d'abord, ça ne peut pas arriver dans une société marchande, et de toute manière, ce serait faux, parce que ça voulait dire même encore de soumettre même les autres activités aux mêmes exigences, c'est une valorisation abstraite du temps. En vérité, il faudrait au contraire, à la limite, d'abolir donc la forme travail pour toutes les activités. Mais donc cela donc veut aussi dire que cette forme sujet est une forme forcément universelle. Donc être un sujet est une qualité, apparemment être un sujet est une qualité purement formelle qui caractérise tout un chacun. Mais en vérité, le sujet est toujours partiel et non universel. Donc ça veut dire tout ce qui ne rentrait pas dans la forme sujet, par exemple le besoin de reposer, ou en général beaucoup d'autres exigences qui viennent du corps, qui ne sont pas intégrables dans une activité de travailleur et de citoyenne. Donc tout cela, pratiquement, est mis hors de la sphère du sujet, et pratiquement comme mais ne peut pas disparaître. Donc c'est soit donc relégué dans une sphère extra-sociale, comme je dis, qui est la sphère domestique, dans sa forme classique. Et voilà aussi pourquoi aux femmes on niait longuement, par exemple, la participation à la vie publique et au droit de vote, parce que la sphère où habitaient les femmes n'était pas considérée comme une sphère sociale, ce n'est pas considéré comme une sphère où les êtres se rencontrent, mais c'est une pure reproduction, pratiquement toujours du même, et en plus fait en général dans un grand isolement. Mais plus en général, on peut dire que tout ce que le sujet sent en lui-même, mais qui ne rentre pas dans la définition du sujet, est extériorisé et diabolisé et souvent projeté sur d'autres, par exemple sur d'autres populations ou sur d'autres groupes de personnes. Juste exemple classique, évidemment le sujet, la forme sujet, donc c'est le travailleur, donc il faut se lever le matin, mais quand même il peut avoir souvent, n'est pas envie de se lever le matin. Alors, plutôt d'admettre envers soi-même le fait qu'il ne veut pas s'élever, il projette ses désirs sur les autres et il persécute les autres, par exemple les percepteurs d'aide sociale ou les gitans ou qui que ce soit, et comme ceux qui sont coupables parce qu'ils font ce que lui, il n'admet pas de vouloir faire. Donc, cela, non, on parlait même de la France qui se lève à 6 heures, non? À commencer par les enfants, comme on dit, exactement. Beaucoup, donc, il y a, c'est le mécanisme de la projection qui est extrêmement important pour la forme sujet. Donc la forme sujet, donc l'élément central, n'est pas un bloc, elle se base sur une scission intérieure. Il n'y a qu'une partie, une petite partie des activités, des inclinations humaines qui concourent vraiment à former la forme sujet. Et tout le reste, qui est quand même, en général, qui ne peut pas être supprimé, donc il soit accepté comme quelque chose d'inférieur, soit simplement projeté sur d'autres, ou on peut après le persécuter, ou soit le persécuter directement. Et par exemple, justement, pourquoi souvent les gitans ou les roms, comme on veut les appeler, sont peut-être la partie la plus méprisée en absolu dans la société moderne, parce que pour eux, on projetait exactement tout ce que le sujet ne pouvait pas se permettre. Donc on leur attribuait donc le fait de ne pas travailler, donc de ne pas être lié à un endroit, d'être complètement hors de toutes les conventions sociales. Mais également les enfants, donc pourquoi donc, peut-être c'est un peu changé, peut-être, mais dans une éducation plus traditionnelle, on a presque souvent l'impression que les adultes, ils détestent les enfants, même leurs propres enfants, et surtout tous leurs manifestations de vie. On fait tout le temps l'éducation non classique, c'est « ne fais pas ça, ne fais pas ici, tu es puni, etc. » En vérité, haïssent les grands dans les enfants, c'est justement que les enfants sont encore porteurs d'une vitalité, d'une identification spontanée avec leurs désirs, que eux, à laquelle eux, les adultes, ont dû renoncer. Et donc, on les persécute, on les déteste, donc ceux qui, apparemment, peuvent encore le faire. Ou, après, il y a d'autres stratégies plus subtiles, on peut aussi le persécuter sous forme de sentimentalisme. Donc là aussi, c'est jamais loin. Il existe aussi, après tout, un romantisme de l'enfant, de même qu'il existe, par exemple, un romantisme des tziganes, non, qui joue du violon. Donc c'est une autre forme encore de projeter ce désir sur quelqu'un d'autre qui les exécute à notre place. Comme on a souvent dit, l'antisémitisme moderne également est largement basé sur ce mécanisme de projection, surtout avec cette idée qu'on attribue surtout aux juifs toujours de ne pas travailler, mais donc de s'approprier de l'argent sans travailler, donc en tant qu'agent de la circulation, donc à travers évidemment les prêts à intérêt, et même je pense que je suis convaincu qu'une bonne partie aujourd'hui de la contestation, de la spéculation des banques, des financiers, où on met toujours en avant que ces gens-là ne travaillent pas, ils exploitent les autres. Là aussi, il y a une bonne partie de envie et de projection. On les déteste parce qu'on aimerait bien faire la même chose, mais on ne peut pas l'admettre. Donc on se auto-proclame donc toujours travailleurs honnêtes qui triment toute la journée. On déteste ceux qui apparemment font ce qu'on n'a pas le courage, même pas de faire dans son imagination. Donc le même, on peut le trouver un peu partout, ce mécanisme, chaque fois que le sujet donc, déclare quelqu'un d'autre comme non-sujet, comme une forme inférieure du sujet, il y a toujours aussi cette partie de projection. Donc, très évidemment, important dans la définition des formes sujet, c'est la maîtrise de soi-même. Donc la maîtrise de soi-même, donc, ça veut dire le contrôle des émotions. Et donc là aussi, très longuement, c'était ligne de démarcation classique envers les femmes. Donc les femmes, on reprochait toujours de se laisser trop gouverner par leurs émotions et donc d'être, par exemple, pour cette raison-là, d'être, par exemple, incapable de participer, par exemple, d'avoir un compte en banque ou de participer pleinement à la vie économique, etc. Mais je crois, quand est-ce qu'on a permis aux femmes, par exemple, en France, d'ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari? Dans les années 68. 70. J'ai les fiches. Le premier compte d'épargne, c'est en 1890, des choses comme ça, c'est l'autorisation du mari. Oui, oui. Et le fait de pouvoir travailler, etc., c'est dans les années 60, effectivement. 60. Oui. En 14-18, Oui, donc, et l'égalité parentale reconnue, c'est très récent. Oui, 50 ans. C'est dans les années 60. Le père et la mère vis-à-vis des enfants, c'est 60, pareil. Enfin, après la Deuxième Guerre, c'est sûr. Et donc tout cela, ça nous dit beaucoup sur la définition du statut du sujet. En même temps, là comme ailleurs, c'est pas sûr que cela est à considérer simplement comme un progrès d'émancipation qui serait le fruit d'une espèce de forte pression populaire. Là aussi, comme avec tout ce qui était l'intégration de la classe ouvrière, il est aussi vrai que donc, tout cela était quand même nécessaire pour le développement du capitalisme et était concédé en même temps. C'est justement dans la mesure qu'on s'était convaincu, évidemment pas une personne, mais il y avait une logique objective qui était convaincu que maintenant, aussi après 2 siècles, les femmes étaient totalement socialisées à travers l'argent et ne couraient pas le premier jour à vider leur compte pour le distribuer à gauche et à droite. Donc ça veut dire tous, donc en vérité tous cette espèce de conquête, d'élargissement des libertés en général était exactement donné au moment où on pensait que les gens en feraient un bon usage évidemment toujours dans une optique, dans une logique marchande. Mais là aussi, donc lorsque les hommes attribuaient aux femmes, donc par exemple un sentimentalisme, une capacité d'accepter toutes les contraintes, et là aussi il y avait toujours une bonne partie de projection, donc évidemment toute la partie féminine que l'homme ne pouvait pas accepter, donc il le projetait sur d'autres, et encore avec l'idée des Européennes, qui par exemple le peuple d'Afrique qui passerait, ils n'ont pas envie de travailler, qu'ils passeraient leur temps simplement à danser, etc., si on ne les oblige pas à travailler. Donc tout cela, il y a donc cela. Donc on dit que ce n'est pas simplement l'envie, donc c'est vraiment cela, on dit que la scission intérieure du sujet moderne. Donc le sujet moderne est donc toujours partiel. Donc il ne marche que à travers l'expulsion d'une partie de soi-même vers l'extérieur. En même temps, cela, ce n'est pas innocent, donc ce n'est pas simple, comment on l'a dit, donc cette envie, donc ça, envers ce que le porteur supposé d'une vie meilleure, donc cette envie donc, peut prendre des formes terribles, donc jusqu'au désir, d'anéantissement, donc justement. Et même les formes les plus meurtrières d'antisémitisme, de racisme ou d'autres, ou même comme certaines formes d'infanticide, par exemple, se basent justement sur cette idée qu'on veut absolument extirper, on veut faire disparaître de la surface de la Terre, donc ce que rappelle au sujet et l'existence d'autres formes possibles de vie, que de certaine manière, que lui rappelle tout à quoi il a dû renoncer lui-même pour être reconnu comme un sujet. Où je cite à mémoire même une phrase de la dialectique de la raison d'Adorno et Horkheimer, où il dit que l'humanité a dû faire des choses terribles à elle-même pour devenir donc. Qu'est-ce qu'on dit, responsable, et donc quelque chose se répète dans chaque enfance. Parce que justement, l'enfance, exactement, parce que pratiquement l'enfant ne fait spontanément pratiquement rien de ce que les adultes s'attendent de lui. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas considéré un sujet. Donc, il est considéré sujet à l'âge où pratiquement il a réussi à intérioriser assez toutes les contraintes et qui sont en général très contraires à toutes ces inclinations spontanées. Voilà pourquoi donc. Le conseil du sujet donc, n'a rien à voir avec une espèce d'épanouissement de l'individu ou avec sa forme spontanée. Malheureusement, le sujet n'est pas. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas opposer le bon sujet à la mauvaise société capitaliste. Parce que ce que nous appelons sujet, c'est justement cette forme déjà intériorisée qui déjà fait une énorme violence à l'individu concret. Donc la forme sujet donc s'est configurée à peu près à partir de la Renaissance et surtout à partir de l'époque des Lumières. Comme je dis, elle n'est pas seulement contemporaine de la montée du capitalisme, elle est aussi consubstantielle. Alors le point de départ, est en général indiqué dans la sécularisation. Donc, ça veut dire donc, pratiquement que la société, vers la fin du Moyen-Âge, commence à perdre ne se conçoit plus dans un rapport filial avec une puissance céleste. Là, on peut, pratiquement, si on veut donner des noms, une espèce de point de départ dans le. Discours sur la dignité de l'homme qui a fait à 30 ans le philosophe italien Pic della Mirandole vers 1465, je crois, donc une espèce de déclaration de toute la puissance et toute la gloire de l'être humain. Et évidemment, après, le processus est assez long, on peut certainement, évidemment, un peu banalement, indiquer le point final dans, avec l'exclamation de Nietzsche que Dieu est mort. Il a quand même fallu quatre siècles pour arriver. Et d'une certaine manière, pour vider le ciel, il faut dire pratiquement qu'il n'existe que l'être humain. Encore Horkheimer et Adorno écrivent dans la dialectique de la raison que la réponse d'Édipe à l'énigme du sphinx, c'est l'homme, est une réponse aveugle, une solution stéréotypée de la raison. Vous connaissez évidemment l'épisode de l'histoire ancienne, donc le sphinx qui demande qui pose le même énigme à chacun, donc la réponse c'est de dire c'est l'homme, il n'y a qu'Édipe qui arrive. Qui comprend, parce que la demande, c'est la question qu'il ne sait pas, donc la sphinx demande quel est l'animal qui marche le matin avec quatre jambes, à midi avec deux et le soir à trois. Et donc il n'y a qu'Édipe qui dit que c'est l'être humain, donc évidemment le bâton pour marcher ça existait déjà. Et donc Adorno, comme il a dit, c'est certainement la raison, la lumière donne cette raison, réponse pratiquement à toute interrogation, il répond toujours c'est l'être humain, donc il n'existe rien d'autre que l'homme. Mais justement la question, cet homme sécularisé, est-ce qu'il a vraiment laissé derrière lui la métaphysique, a-t-il dépassé comme un stade infantile sa confiance dans la religion? Parce que selon des théories très largement répandues, même à gauche, d'une certaine manière, Donc, ce processus de la sortie de la religion a été une part très importante accomplie par les Lumières classiques. Mais après, on n'a pas allé assez loin, donc il faut encore chasser le dernier reste de la religion et de la métaphysique de nos vies. Et même encore aujourd'hui, une bonne partie d'une certaine pathos à gauche, d'une certaine manière, se tire de cette idée qu'on est encore trop dans une conception métaphysique et que, par exemple, l'idée, évidemment, que des hommes ne peuvent pas se marier, par exemple, peut être considérée comme une espèce de survivance de la métaphysique. Et donc, il est donc à combattre dans une optique purement sécularisée. Et donc même le marxisme en général c'est considéré comme une espèce de continuation des Lumières, donc comme une extension justement à des champs nouveaux. Alors tandis que la critique du sujet que je présente un peu ici, de certaine manière, dit qu'en vérité nous ne sommes jamais sortis de la métaphysique, nous avons sans que d'ailleurs l'ancienne métaphysique ne soit complètement disparue, parce qu'évidemment la religion a encore certains points, elle a été largement remplacée par une autre forme de métaphysique, par la métaphysique marchande, où également, nous sommes également dans un système religieux, c'est-à-dire fétichiste, nous ne sommes pas du tout acteurs de notre destin. Nous, d'une certaine manière, nous récitons toujours une canéva écrite derrière notre dos, mais ce n'est plus maintenant un dieu que, d'une certaine manière, qui tire les ficelles, mais c'est la logique de la valeur, aussi la logique du sujet marchand. Et je vous rappelle encore une fois que Marx a très bien appelé la marchandise un objet sensible et suprasensible, parce qu'à côté de son corps concret, donc il a un corps abstrait, donc c'est un corps abstrait, la valeur est une pure projection humaine qui n'a aucun fondement naturel. Donc, comme dit Marx, aucune analyse chimique n'a jamais trouvé de la valeur d'échange dans un objet. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que notre société moderne est beaucoup plus métaphysique que l'ancienne, parce que l'ancienne métaphysique, surtout dans la société chrétienne, d'une certaine manière, la métaphysique était quand même bannie dans le ciel. Et les rapports quotidiens étaient peut-être jusqu'à un certain point relativement régis par le concret. Tandis que dans les sociétés marchandes, nous sommes presque revenus à une forme d'animisme où pratiquement les objets les plus évidents de la vie quotidienne ne se comportent pas selon leur caractère concret, mais en général se comportent, par exemple nous les avons, nous ne les avons pas, selon cette caractère métaphysique qui est l'espèce leur corps, l'abstraction qui leur est attachée. Donc, on pourrait donc même dire que, de certaine manière, la métaphysique est descendue du ciel sur la terre, sur la vie de tous les jours, dans la société marchande. Ici, par exemple, disons, par exemple, une récolte jetée dans la mer pour tenir élevé les prix, plutôt de la donner aux gens qui ont faim, c'est évidemment c'est très dans la logique économique, et tout économiste va dire que c'est absolument rationnel, donc ça démontre que nous sommes dans une société post-métaphysique, parce qu'on peut toujours faire toute une théorie économique pourquoi c'est nécessaire. Mais d'un point de vue humain, on peut dire que c'est une espèce de sacrifice au dieu de l'économie, donc qui est tout aussi, d'une certaine manière, qui est encore plus absurde que les anciens sacrifices qui en général s'est limité à un caractère symbolique et n'était pas réel. Et donc, d'une certaine manière, chaque fois que nous prenons dans la société une décision qui est contraire à la logique de la chose même, par exemple, lorsqu'on préfère de produire des bombes plutôt que de jouer, d'une certaine manière, on exécute un acte religieux. Donc, c'est-à-dire, ces décisions sont régies par une logique fétichiste, donc nous ne sommes pas conscients, mais qui, d'une certaine manière, qui n'existe que sur la base de notre projection inconsciente. Et étant donné que, en même temps, la société capitaliste a aussi, grâce à la technique, une puissance énormément plus élevée que toutes les sociétés précédentes, donc on peut dire que la métaphysique de la société moderne est une métaphysique infiniment plus puissante et infiniment plus capable de remodeler le monde que toutes les sociétés, religieuses. Il existe surtout dernièrement un peu un débat sur ça parce que, par le fait que déjà Max Weber donc, a quand même bien analysé le lien entre le désenchantement du monde entre l'esprit du protestantisme et le capitalisme. Et après, il y a un véritable fragment d'une page de Walter Benjamin sur le capitalisme comme religion, qui quand même a été très commenté dans les dernières années. Donc on a publié des livres entiers avec des centaines de pages qui partent certainement de ce livre de Benjamin. Et donc au moins c'est un thème, donc je pense qu'il y a 20 ans personne n'aurait parlé, maintenant le caractère de certaines manières métaphysiques du capitalisme est plus visible aussi parce que probablement aussi à cause de son caractère de plus en plus irrationnel. Là aussi, c'est une chose sur laquelle je vais beaucoup insister dans ces cours-là. Donc cette vision du capitalisme comme basée sur une accumulation vide de la valeur et la forme sujet qui va avec, ne présente pas du tout le capitalisme comme une espèce d'entreprise injuste mais rationnelle d'exploitation de l'être humain. Donc cela n'est qu'une espèce de surface. Donc dans son noyau, le capitalisme est une société complètement irrationnelle. Voilà aussi parce qu'elle est autodestructrice, justement parce qu'il n'y a pas un sujet qui tire les ficelles. Maintenant, c'est une société pratiquement qui est en proie à ses propres mécanismes incontrôlables. Justement, donc c'est une société qui en vérité est restée profondément dans une forme particulièrement perfide de métaphysique et qui donc, comme le métaphysique souvent, donc pousse pratiquement vers des formes complètement irrationnelles de sacrifices. Et donc, on peut donc dire que le désenchantement du monde, donc on a aussi parlé Max Weber, donc, d'une certaine manière, en vérité, a été aussi un réenchantement du monde. Donc, l'ancienne métaphysique, donc, pratiquement chassée par la porte et revenue par la fenêtre. Donc, la formation historique du sujet ne s'est pas déroulée comme une rupture avec le christianisme, comme prédomine de lui-même, mais plutôt comme sa continuation par d'autres moyens. Par exemple, et on dit le dualisme radical entre le corps et l'esprit et la dévalorisation du corps en faveur des parties de l'homme qui communiquent avec le transcendant sont peut-être les éléments principaux que le christianisme a transmis à la subjectivité moderne. Donc, je ne suis même pas encore arrivé chez Descartes, mais je vais quand même. Comme que vous n'avez pas déjà des questions, je vais encore aller un peu en avant. Et donc, dans une vision, donc, si on veut, chrétienne, médiévale, scolastique, donc, l'être humain donc, n'est pas identifié complètement ni avec son corps, ni avec son âme. C'est quelque chose justement qui a le deux choses. Et justement, pour l'optique chrétienne, donc le corps est dévalorisé, mais pas complètement, parce qu'il est dévalorisé dans le sens, et même pour l'optique chrétienne, surtout la nature sensuelle, donc c'est-à-dire sensuelle des hommes, ses besoins, etc., sont considérés comme quelque chose d'inférieur. Mais en même temps, quand même, le corps est quand même conçu comme une œuvre de Dieu. Cela est là, la forme sujet, donc c'est accompagné déjà d'une... changement drastique dans l'idée du corps, donc dans l'optique du sujet, le corps devient pratiquement une espèce de machine, une simple porteur de l'esprit, qui en tant que tel fait partie simplement de la nature. Donc cela est très évident dans la longue bataille qu'on a eue autour de la question de l'autopsie. Comme vous savez, l'Église a opposé très longtemps aux études d'anatomie, justement parce que quand même le corps, même si le corps était la prison de l'âme et tout pour les chrétiens, en même temps c'est quand même en même temps l'œuvre de Dieu qui ne doit pas être touchée, donc il y avait une espèce de caractère sacré. Tandis qu'évidemment, donc, cette idée est inacceptable déjà à la Renaissance pour certaines. De toute manière, donc, dans une perspective, la perspective moderne, donc sépare encore beaucoup plus drastiquement pratiquement, l'esprit et le corps, et ne voit pratiquement que justement la forme sujet réside exclusivement dans l'esprit. Le corps est pratiquement une espèce d'extériorité, justement, ça devient une espèce, le même terme de corps, évidemment, on parle aussi d'un corps aussi en sens physique, donc le terme de corps ne renvoie pas nécessairement à quelque chose de vivant. Tandis que, par exemple, même en allemand, on a fait une étude sur ça, par exemple, au Moyen-Âge, on parlait souvent du terme qui existe toujours, du Leib. Leib, c'est très proche du Leben, donc c'est vraiment dire ce qui est vivant. Tandis après, en allemand, on introduit plus ou moins à partir du 16e siècle. C'est le terme Körper, donc d'origine latine corps. Mais justement, là, le corps humain faisait pratiquement partie de la même catégorie comme justement tout corps physique. Donc il n'y avait plus, une spécificité, par exemple, de la vie. Et donc, ça veut aussi dire. Donc, cela. Et donc, c'est l'espèce de naturalisation du corps humain qui devient pratiquement une espèce d'animal parmi les autres. Va assez vite, comme vous savez, déjà au milieu du 7e siècle, le philosophe Lemaître a publié un livre qui s'appelle « L'homme-machine », donc chose absolument inconcevable, par exemple, pour une optique pré-moderne, donc de concevoir le fonctionnement du corps humain comme une simple machine comme d'autres. Il faut aussi dire qu'au moment où Lemaître ne savait peut-être pas très bien ce qu'il voulait, parce qu'il a publié la même année aussi un livre qui s'appelle « L'homme-plante ». Mais il était quand même, justement, il est resté fameux avec son livre qui s'appelle « L'homme-machine ». Ce qui d'ailleurs, en général, on dit qu'on l'œuvre de Lemaître, simplement un développement un peu extrême, un peu exagéré, exactement de la opération de Descartes. En vérité, dans Descartes, donc cette opération, cette division totale entre la res cogitans et la res extensa, donc le corps fait explicitement partie, en vérité, cette réduction du corps à une espèce d'agglomérat chimique, ou à une espèce de machine, est déjà pratiquement contenue. Il faut aussi dire que, évidemment, la forme sujet, d'ailleurs, n'est pas tombée du ciel. Ça veut aussi dire que, comme ça arrive toujours dans l'histoire, elle a récupéré aussi des contenus provenant des sociétés antécédentes en les chargeant du nouveau contenu. Par exemple, la forme sujet moderne est très fortement, si on veut, basée sur une scission sexuelle. Donc, la forme sujet moderne est très fortement définie comme le mâle. Donc, justement, les caractéristiques, justement, donc sphère publique, travailleur, autodiscipline, donc longtemps n'ont été attribuées qu'au mâle. Et donc, la femme était par définition exclue de la forme sujet, comme j'avais déjà dit. Cela ne veut pas dire que la société prémoderne avait, n'avait pas une, aussi une forte division entre le sexe et en général une subordination de la femme. Elle avait d'autres bases, donc c'était souvent surtout une division du travail, par exemple l'agriculture. Et mais ici comme ailleurs, donc la forme sujet à sa naissance, de certaine manière, s'est appuyée sur des structures déjà existantes, mais en les transformant. Un peu la même chose que par la naissance de l'argent. Donc là, c'est un peu le sujet aussi du dernier livre de Robert Kurz, Argent sans valeur. Donc l'argent en tant que représentation du travail abstrait, donc de la valeur, n'est, affirme en Kurz avec des bons arguments, à peu près au 15e siècle, avec la révolution militaire, avec la dépense énorme nécessaire pour la compétition militaire. Je crois que nous en avons déjà parlé ici. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas d'argent avant. On sait que, même à part le fameux coquillage, etc., il y a même une monnaie frappée existait déjà au 7e siècle avant Christ en Grèce. Mais on peut quand même affirmer ou démontrer que cet argent-là avait une autre fonction. Donc cet argent était un élément dans les échanges qui avait quand même été assez basé sur une logique du don, du sacrifice, de l'échange de dons qui n'était pas nécessairement harmonieux. Mais là, donc l'argent, encore dans l'Antiquité au Moyen-Âge, même lorsqu'il avait une certaine importance, ne tirait pas son rôle du fait d'être le représentant matériel d'un travail réduit à son expression physiologique, donc au travail abstrait. Donc là aussi, donc, d'une certaine manière, la naissance de la valeur et de l'argent dans le contexte de la révolution militaire et de la naissance des États modernes, d'une certaine manière, là aussi, a récupéré une forme sociale déjà existante, mais en les chargeant à partir du nouveau contenu. Il est important de souligner ça parce que sinon, on risque trop facilement de tomber dans des argumentation du genre, ah ben l'argent a toujours existé, ou du genre la dichotomie de sexe a toujours existé, ou l'État a toujours existé. Donc ce genre d'argumentation en général ne tient pas compte qu'une forme apparemment similaire peut quand même avoir des fonctions complètement différentes. Par exemple, l'État, par exemple, dans l'Antiquité, n'était pas quand même la même chose comme l'État au sens moderne. Alors, donc pour parler un peu de Descartes, donc avec la distinction rigide entre res extensa et res cogitans, Descartes a radicalisé la séparation entre le sujet identifié à sa seule pensée et le reste de l'univers qui est dégradé au statut de simple objet à partir du propre corps du sujet pensant. Parce que justement, dans cette espèce de réduction que fait Descartes, donc justement, dans seule certitude qu'il trouve, donc ce n'est ni Dieu ni son corps, mais c'est simplement le fait qu'il pense. Donc il fait purement, donc quelque chose, donc d'abord purement dans son esprit et surtout vide de contenu. Il ne pense rien de particulier. Donc il pense seulement au fait qu'il pense. Donc la frontière entre le sujet connaissant et l'objet connu, entre la pensée et le corps, entre le sujet et l'objet en général, passe maintenant à travers l'homme même, qui commence alors sa carrière moderne faite de séparation et de scission. Justement, donc le sujet n'est pas du tout l'unité du corps et de l'esprit, donc déjà, le sujet cartésien, d'une certaine manière, conçoit, vit son corps comme quelque chose d'étranger, justement comme quelque chose qui fait partie de la res extensa. Donc, parce qu'il y a ces deux substances, il y a la substance pensée pour Descartes et la substance physique, donc d'une certaine manière, qui est une extension dans l'espace. Donc, de ce côté-là, donc, déjà pour Descartes, donc, le corps n'est pas proche de l'esprit, mais le corps, pratiquement, appartient à la même catégorie comme les étoiles ou les plantes ou les minéraux. Et donc, de là, on voit, évidemment, là, c'est encore dit sur un terme purement épistémologique, sur un terme épistémologique, on voit déjà là, d'une certaine manière, le début du travailleur moderne pour lequel le corps, par exemple, qui ne veut pas se lever le matin ou qui est crevé après 8h, 10h du travail à la chaîne de montage, etc., ce corps n'est pratiquement comme quelque chose qui dérange, pratiquement comme une espèce de... comme une espèce, comme quelque chose qui empêche à l'esprit et à la volonté de se déployer librement. Justement, parce qu'après, on ne peut pas arriver aujourd'hui, donc après une première phase où le sujet est surtout défini à travers la connaissance, au XIXe siècle, donc, le sujet commence de plus en plus à se définir à travers la volonté, à travers cette volonté de se imposer dans le monde. On se impose donc davantage, essentiellement, on commence toujours par se imposer à son propre corps. Donc le premier étranger, le premier ennemi que rencontre le sujet, c'est son propre corps, donc qui rarement veut ce que veut, que se veut cette volonté, donc qui ne veut pas aller travailler, qui ne veut pas, par exemple, se limiter à la monogamie en famille, qui ne veut pas aller à la guerre et combattre au front, qui ne veut pas écouter pendant des heures les discours, etc. Donc combattre donc, les inclinations du corps, c'est déjà la première chose qui doit faire le sujet. Et comme je dis, c'est une logique d'exclusion, parce que ceux qui s'engagent assez dans cette lutte, donc ont des grosses difficultés pour se faire connaître comme en tant que sujet. Mais, je répète, cela, Descartes, évidemment, sans toutes ces conséquences, mais la base, si on veut philosophique, de cette séparation radicale, on le trouve déjà chez Descartes. Donc, chez Descartes, d'ailleurs, Descartes, comme vous savez, était un homme très prudent, qui ne voulait absolument faire la même fin que Galilée, donc il ne voulait pas se mettre à dos l'Église, donc il a même tenté de présenter sa philosophie comme étant dans l'orthodoxie, donc il aurait introduit Dieu dans ce système, mais en vérité, déjà dans ce système, en vérité, il n'y a plus de place par Dieu, sinon par un Dieu purement extérieur. En vérité, le sujet, déjà, chez lui, n'y tient sa majesté que de soi-même et de son... Mais évidemment, il ne la tient pas du fait de quelques qualités particulières, donc pas du simple fait d'exister en tant qu'être pensant, donc quelque chose de purement formel et vide. Donc c'est moi à seulement ces deux qualités, exister et penser. Et donc il y a donc un tel clivage dans la philosophie de Descartes entre le moi et le reste du monde, donc que le moi risque de tomber dans un solipsisme total. Donc c'est un risque, donc même Descartes comprend tout de suite que finalement ce moi semble être une, comme a dit plus tard Leibniz, une monade sans fenêtre. On ne comprend même pas comment s'il y a cette hétérogénéité entre la res cogitans et la res extensa, on ne comprend même pas comment encore le sujet peut connaître le monde. En effet, après Descartes doit se livrer à des exercices qui tournent presque au comique, sur la glande pinéale, donc sur une partie supposée dans le cerveau qui pratiquement participe en même temps de deux substances et qui est pratiquement aujourd'hui, comment on dirait dans le langage moderne, l'interface, on dirait aujourd'hui, entre ces deux substances. Et d'autres philosophes, après lui, trouvaient des solutions qui n'étaient pas beaucoup plus convaincantes, comme l'idée, par exemple, du dieu horloger. Donc, on présupposait, donc c'était le voile Malebranche, qui imaginait que donc, Dieu, pratiquement, a chargé les deux substances, essensa et cogitans, comme deux montres donc, qui ont été chargées au début du temps et qui court toujours exactement en parallèle. Et donc si maintenant je pense que je vois ici une table, ce n'est pas parce que je peux connaître la table, parce qu'en fait je ne peux pas la connaître, mais par exemple pour Malebranche, je simplifie un peu, mais pratiquement parce que l'horloge montée par Dieu arrive au même moment à l'idée table, au même moment où il y a ici une table. Donc cela, ça peut paraître comique, mais en même temps, cela indique quand même déjà jusqu'à quel point, dès le début, donc la conception du sujet moderne, pratiquement, le séparer radicalement de son monde, et donc aussi de tout contenu, de toute idée, de toute approche directe au monde. Et donc ensuite, toute une grande partie de la philosophie a tourné autour de ce problème. Donc comment le sujet peut connaître le monde, parce que de certaines manières, sur la base même de cette définition du moi, le sujet ne devrait pas être même de le connaître. Donc c'est quelque chose qu'il faut certainement réintroduire dans un deuxième moment, parce que l'homme se trouve radicalement étranger au monde. Et Et donc, ce qui frappe aussi déjà dans cette première formulation, c'est quand même la ressemblance avec ce qu'on appelle le narcissisme en psychoanalyse. Donc, le narcissisme, comme nous allons voir, le narcissique est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir de véritables relations d'objets, donc qui ne peut pas vraiment dans son intérieur admettre l'existence de, qu'il existe quelque chose à l'extérieur de lui, qui vit tous comme une extension, qui veut toujours rester dans une espèce de fusion magique, la fusion magique des premiers mois de vie avec le monde extérieur, et qui, d'une certaine manière, ne vit qu'à travers les images qu'il se fait des choses. Mais on y reviendra. Mais il est étonnant de voir que déjà pratiquement cette idée se trouve déjà de certaine manière préfigurée chez Descartes. On ne peut pas encore dire que c'était vraiment l'époque du narcissisme au sens étroit, le XVIIe siècle, mais il y a quand même déjà une espèce, la base même du narcissisme, donc cette espèce de difficulté de vraiment arriver au monde et de toujours retomber dans une espèce d'autisme du moi, qui est typique finalement du narcissique. Et donc cela se trouve de certaine manière déjà formulé de manière exemplaire chez notre cher Descartes. Donc d'un côté, donc alors autre chose à souligner, donc ce sujet justement de Descartes. Et sujet seulement en tant qu'il élimine toute particularité individuelle, parce que si vous lisez donc le raisonnement de Descartes, justement, il arrive justement à cette, je pense, donc je suis, après avoir fait abstraction de tout ce qui est, de toute son histoire personnelle, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il peut voir. Donc justement, donc il faut, d'autres, je crois, l'ont appelé ensuite un anéantissement du monde. Donc il faut pratiquement faire abstraction de tout ce qui est réellement le monde pour arriver à cette moi qui, en même temps, qui finit pour être la seule réalité et qui donc du coup réduit donc tout le reste de l'existant à une espèce de vague hypothèse. Donc déjà chez Descartes, donc nous trouvons donc un être humain de certaine manière qui est totalement étranger au monde, qui et là aussi, je répète encore, c'est quand même une différence radicale avec le christianisme. Maintenant, il ne s'agit pas de défendre ici la vision chrétienne du monde, mais dans le christianisme, l'homme n'est pas étranger au monde, il a sa place dans le monde, donc qui Dieu lui a assigné, une place peut-être qui peut être peu confortable, au moins pour certaines, mais c'est un peu, on pourrait même dire, dans l'esprit, c'est un peu l'équivalent de la ferme que j'avais dit avant. Donc, dans une ferme prémoderne, donc chacun a sa place, même si sa place peut être fort peu confortable, mais là, sa place individuelle, c'est même dans la société moderne que dans la société, on ne se rend compte qu'en tant qu'individu anonyme sur un marché, même la définition du moi moderne existe pratiquement justement. Présuppose pratiquement comme l'individu, comme quelqu'un qui est perdu, qui flotte dans un monde, qui est perdu dans le monde, qui doit tenter de s'arrimer à quelque chose. Mais rien n'est jamais garanti, donc tout peut aussi se perdre d'un moment à l'autre. Donc, passons par d'autres penseurs, donc une autre étape évidemment également décisive, et donc un siècle et demi plus tard avec la pensée d'Immanuel Kant, donc également je vous rappelle, qui a publié la critique de la raison pure en 1776, je crois, et la critique de la raison pratique en 82, je crois, et la critique de la faculté des jugés en 90, et donc qui était d'ailleurs a été reconnu tout de suite comme l'auteur d'une révolution philosophique et donc qui a tout de suite un retentissement énorme dans l'Europe entière et qui donc dans lequel on peut effectivement voir donc l'autre grand fondateur de la modernité. Et donc d'un côté, donc ce côté cette définition d'un sujet étranger au monde se trouve déjà dans la partie la plus importante de son œuvre, donc dans son épistémologie, dans la critique de la raison pure, maintenant que je ne veux pas tenter de résumer ici, moi je vous rappelle qu'évidemment, le passage de Kant, qui en général a été jugé décisif, sur lequel la plupart des philosophes modernes ont suivi, donc cette idée qu'il ne faut même pas tenter de connaître le monde extérieur, parce que de toute manière, le monde extérieur nous est inconnaissable, qu'il n'existe qu'un chaos amorphe de sensations. La seule chose que nous pouvons connaître, ce sont nos représentations du monde extérieur, donc c'est ce que nos catégories du temps, d'espace et de causalité retiennent du monde extérieur. Donc nous ne pouvons connaître ces grilles à travers lesquelles nous avons accès au monde. Je vous rappelle aussi que c'est intéressant dans notre contexte de souligner que Kant a essentiellement voulu répondre au philosophe anglais ou écossais David Hume. David Hume, au contraire, avait proposé une philosophie radicalement sceptique, donc une philosophie pour laquelle pratiquement nous n'avons que des sensations. En vérité, nous ne pouvons jamais être sûrs que les sensations que nous recevons sont les mêmes sensations que nous avons eues avant. Et même toutes nos catégories, par exemple logique, donc les catégories d'entendement, de jugement, ont également une origine empirique, peuvent toujours varier. Et donc la philosophie de Hume, donc portée, donc avec elle le risque d'une certaine manière un nihilisme radical, partir de l'impossibilité de connaître que ce soit, ou de se limiter à une connaissance purement empirique cas pour cas. Justement, Kant s'est engagé de certaine manière, donc il a accepté cette révolution de Hume, il a accepté le fait que pratiquement il n'existe pas de catégories dans le monde qui peuvent nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais justement, Kant insistait, il existe des catégories qui ne peuvent pas saisir la réalité en tant que telle, mais avec laquelle au moins nous pouvons connaître nos propres modalités d'entendement. Nous pouvons les étudier et comprendre comment elles marchent. Justement, la critique de la raison pure est consacrée à cela. Et pour notre contexte, et donc, il est intéressant donc de souligner, donc Kant aussi présuppose donc un dualisme radical entre l'homme et son monde. Donc, d'une certaine manière, le monde reste complètement hors de notre portée, donc encore plus radicalement que pour Descartes. Et en vérité, pratiquement, nous sommes de certaine manière toujours face avec notre propre miroir, avec notre propre fantasme, on pourrait dire, c'est évidemment pas ce que dit Kant. Nous sommes de certaine manière toujours seuls avec nous-mêmes. Donc, toute tentative de faire de dépasser les limites de l'expérience, par exemple de faire des affirmations de genre métaphysique, sont pour Kant pas fausses, mais simplement vides de contenu, parce que justement, ils dépassent ce que nous pouvons, d'une certaine manière, connaître. C'était aussi la façon de Kant de critiquer de manière indirectement assez efficace la religion. Alors, l'épistémologie de Kant a été très largement admise, évidemment, par tous les philosophes, mais pas beaucoup, mais par une bonne partie de la philosophie moderne. Et une autre partie importante de la philosophie de Kant, c'est sa philosophie morale, qui est exprimée surtout en trois ouvrages, La critique de la raison pratique, Le fondement de la métaphysique de mœurs et La métaphysique de mœurs, qui sont, il faut dire, des œuvres qui avaient trouvé un accueil quand même plus mitigé, plus partagé que La critique de la raison pure. Donc, c'était pas tout le monde qui était d'accord. Quand même, c'était des œuvres, des ouvrages qui ont quand même marqué leur époque, que jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie des réflexions éthiques se réclament de Kant. Et on peut quand même examiner même ces œuvres pour voir, pour interpréter Kant comme également un des fondateurs du sujet moderne, du sujet en tant que justement là aussi comme une forme vide qui reste étranger à tout contenu. Donc cette séparation achevée entre la forme et le contenu et l'expulsion de toute inclination et émotion, ce sont ses propres mots, hors du sujet, sont au centre de sa philosophie. Donc Kant passe souvent pour une penseur de la liberté, et même pour le révolutionnaire, il y a un philosophe français, André Tozel, qui il y a encore quelques années a publié un livre qui s'appelle Kant révolutionnaire. Kant passe en général donc pour un des grands penseurs des Lumières, et donc on cite souvent justement dans cette affirmation que la lumière, c'est la sortie de l'homme de leur minorité, de son état de minorité. On cite aussi l'impératif catégorique, donc de ne jamais considérer l'être humain comme une moyenne, mais toujours comme une fin, comme un but en soi. Donc voilà pourquoi Kant est très souvent récupéré, même aujourd'hui, dans une perspective de la démocratie, de l'émancipation du sujet. Donc nous allons encore le rencontrer d'autres fois dans nos cours ici, par exemple lorsque nous parlons d'un auteur, d'Annie Robert Dufour, par exemple, qui fait une critique très intéressante, effectivement, de la dérive de la société marchande et son narcissisme, mais, par exemple, qui veut opposer à ce narcissisme une retour au sujet sain, supposé sain de Kant. On trouve cela chez beaucoup d'auteurs. Alors, je ne veux pas nier, peut-être un peu différemment de Kurz, je ne veux pas nier qu'on peut aussi trouver chez Kant quelques éléments qui vont effectivement dans cette direction. Mais il faut quand même dire qu'en général, donc, cet aspect, si on veut, émancipateur chez Kant est quand même très surévalué, parce que la définition qu'il donne Kant du sujet n'est quand même pas du tout celle d'un individu, d'une certaine manière, épanoui et libre, mais essentiellement, moi je pense qu'on va le voir dans deux semaines, Kant donne une définition du sujet comme quelqu'un, justement, comme quelqu'un qui est libre, parce qu'il est libre de tout contenu, de toute inclinaison. Donc pour l'autonomie de Kant, ça veut dire de ne rien vouloir. Donc c'est... Et voilà pourquoi il est assez intéressant d'étudier le sujet chez Kant, à part le fait que Kant dit explicitement, je cite une chose... Par exemple, il dit par exemple, le nègre d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui s'élève au-dessus de la niaiserie. Ou par exemple, sur le droit de vote, justement à l'autre lettre sujet, il parle de ça. Or, celui qui a le droit de vote dans cette législation s'appelle un citoyen. La seule qualité qui soit nécessaire pour cela, hormis la qualité naturelle, n'être ni femme ni enfant, c'est d'être son propre maître, sui juris, par suite c'est de posséder quelques propriétés. Oui, ce sont des passages qu'en général vous trouvez rarement cités, parce que, je veux dire, il y a quand même souvent une espèce d'adoration de Kant, et parfois je ne pense pas que ces adorateurs ont toujours lu toutes ses œuvres, donc, pour trouver tous ces passages. Alors là, évidemment, quand même ces adorateurs vont vous répliquer, c'était des concessions à l'esprit du temps. Et il avait donné une définition trop étroite, mais aujourd'hui, donc, c'était quand même quelque chose qui n'était pas essentiel pour son discours, et peu à peu, donc, même les femmes, ou disons que les nègres, etc., ont eu le droit de vote. Donc on peut simplement universaliser le discours de Kant. C'est un discours très répandu, vous trouvez aussi chez tous les défenseurs à gauche de Kant. Alors la chose intéressante, je pense qu'il faut attendre deux semaines, c'est de voir que la définition même du sujet chez Kant, quand même, il y a quelque chose qui cloche, justement, parce que sa définition du sujet, c'est justement quelqu'un, comme il dit le même, qui a tué en lui-même toute émotion, toute inclinaison, tout désir, parce que pour lui, pratiquement, le fait même de désirer quelque chose, ça veut dire de n'être plus libre, parce que tu deviens esclave de ton désir, tu deviens esclave de l'objet que tu désires. Donc il y a évidemment une reprise de certains thèmes stoïciens de l'Antiquité, mais ça va bien au-delà. Donc pour lui, la liberté consiste dans le fait d'obéir à la loi. Oui, donc ça y ouvre le chemin pour la perversion, c'est ça les liaisons avec ça. Comme ça, il ouvre le chemin pour la exactement. Perversion, c'est une tautologie, exactement. Respecter la loi, pas parce qu'elle est bonne ou mal. Exactement, donc Donc chez Kant, justement, après, donc, il y a un parallélisme avec Sartre, donc justement, je ne suis pas arrivé aujourd'hui. Donc, avec Kant, on insiste très fortement que la liberté de l'individu, ce n'est pas du tout le fait de satisfaire ses besoins ou ses désirs, ou de faire ce qu'il veut, mais c'est simplement le fait d'obéir en toutes circonstances à la loi. Donc là, donc, il a, donc, pour lui, donc, à la loi morale. Ou dictature de la raison, parce qu'on peut faire une chose. Hein. C'est pas tout à fait une chose. Oui, mais cette raison, justement, chez Kant, elle n'a pas de contenu. C'est exactement ce que d'ailleurs Hegel le rapprochait si fortement. Donc cette raison est quelque chose de formel et de vide. C'est quelque chose chez Kant qui tourne autour de lui-même. Et autour de l'humiliation de soi-même. Hein? Et autour de l'humiliation, c'est un terme qu'il emploie souvent. De humiliation. Oui, oui, humilier, oui, mais il parlait donc beaucoup. Humilier, c'est un terme oui, kantien. Oui, oui, donc il faut donc aussi faire des exercices de vertu et par exemple... On peut trouver cela anecdotique, mais aussi caractéristique. Par exemple, il aimait beaucoup le café, mais en général, il ne le buvait presque jamais. Donc, il appelait dans ce masochisme un exercice de vertu. Donc, une espèce de supériorité par rapport à ses désirs. Et quand même, je dis, je pense que cela est quand même beaucoup plus nocif que la classique... morale stoïcienne, parce que ici, donc justement, parce que cette liberté, donc finalement, donc sert vraiment, donc elle porte à une espèce d'indifférence envers le monde, exactement l'indifférence du sujet marchand, donc qui finalement est prêt à tout, parce que pratiquement il ne peut pas concevoir de contenu, il ne peut qu'obéir à des lois, à des lois une fois faites. Sont égales pour leurs conséquences réelles. Parmi d'autres choses, par exemple, comme il dit, il faut toujours dire la vérité. Et si un assassin poursuit quelqu'un qui se réfugie dans votre maison et il demande s'il est là dedans, vous devez dire oui. Oui, mais il y a un débat. Oui, mais. C'est pas un dogme, c'est ça. C'est comme un texte de Kant du soi-disant bonne raison de mentir. Oui. Oui. Alors, après, évidemment, donc, la philosophie morale de Kant a été considérée déjà à l'époque par beaucoup de gens comme trop rigoureuse, refusée. Et là, quand même, eu une certaine importance. Et justement, moi, ce qui est intéressant, même si peut-être peu de gens ont appliquer cette à la lettre, cette définition du sujet qu'il donne. Oui, bah, cette définition d'un sujet qui existe justement en tant qu'il dépasse tous les contenus, là, Kant a quand même effectivement bien défini les sujets de la société marchande. Et aussi, cette lutte qui doit livrer le sujet pour éviter finalement tout ce qui le fait humain. Et donc pour arriver à une espèce de silence et de vide intérieur, et là justement c'est intéressant, on va en parler la prochaine fois, il se ouvre une passerelle assez inattendue vers la pulsion de mort de Freud. Donc finalement dans cette espèce de suprême réalisation de ce qui doit être l'existence humaine pour Kant, et justement pratiquement le vide qui effectivement semble finalement exactement une préfiguration, je répète, de l'affirmation de Freud selon laquelle finalement on l'être humain tend vers une espèce d'absence de toute tension, et donc vers une espèce de vide total, et que Freud l'affirme sur des bases biologiques, mais justement notre argumentation ici, ce sera de dire que ce n'est pas peut-être pas quelque chose d'anthropologique, mais c'est justement une société, la société marchande, qui fait de tout objet, de tout acte humain, le représentant de quelque chose de sans contenu, le travail abstrait, et finalement justement une société basée sur ce vide et qui finalement gère aussi un désir de vide. Bon, j'espère que cela vous a intéressé. J'ai encore quelques bibliographies. Est-ce que tout le monde a signé le feu de présence? C'est comme possible que les constats se le sont chargés. Alors on prend, il faut avoir une salle plus grande la prochaine fois. Oui, alors signez tous la feuille. Et... Parce que là c'est quand même pas sympathique, les gens vont plus voir les temps. On va tout faire, parce qu'on va arriver à 15h en avance.